Bonsoir à tous. Donc on va commencer. On a juste pris les 5 minutes de retard habituel. Donc je me présente, je m'appelle Blaise Fleury, donc je suis secrétaire du groupe X Recherche. Donc je vais dire quelques mots du groupe X Recherche. Donc c'est un groupe X qui travaille autour de la recherche. Donc c'est un groupe qui est assez jeune, il a été créé en 2009 et son but parmi d'autres, c'est de proposer des échanges, des débats, des conférences comme ici autour donc, de la recherche, de la science, de l'innovation, etc., de la technologie. Et ce qu'on propose donc, dans les grandes lignes, c'est on propose aux membres de notre groupe de monter des conférences. Donc, par exemple, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Jean-Christophe qui est venu nous voir et qui nous a dit qu'il voulait faire une conférence sur la robotique. Et ensuite, on l'a accompagné tout au long du projet, au niveau logistique, au niveau communication, etc., pour pouvoir créer le projet. Donc libre à tous les membres de proposer des idées pour monter des conférences. Et après, c'est assez transparent et facile pour l'organisateur. Donc l'événement d'aujourd'hui tourne sur la robotique développementale. Donc elle fait suite à cette conférence, à la dernière conférence sur le transhumanisme. Donc on essaye à chaque fois d'avoir une certaine continuité entre les conférences. Donc je vais continuer donc, autour de cette conférence de robotique. Donc, tout d'abord, Jean-Christophe Bailly, ici présent, va commencer. Donc, il est chercheur en robotique. Il a commencé au Sony Computer Lab. Ensuite, est parti au laboratoire de robotique cognitive que tu as créé, c'est ça ? Et maintenant, il est chez Aldebaran Robotics, donc à la tête de la recherche, c'est ça ? Donc ensuite, on aura Pierre-Yves Goudéier, qui est aussi passé par le Sony Computer Lab et qui maintenant est à l'INRIA, dans le groupe INRIA Flowers. Et notre dernier intervenant, David Filiad, qui était expert robotique à la DGA et maintenant est prof à l'ENSTA. Et tous ces trois personnes sont experts en robotique développementale. Et on va voir ce qu'ils nous racontent. Merci. Alors, première question, est-ce que vous m'entendez ? Ça marche, le volume, là, ça, tu penses ? Test ? Ah non, en fait. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais avoir chaud. Du coup, je vais dire n'importe quoi. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre. Effectivement, on va vous parler de robotique développementale. Je vais commencer par vous expliquer un tout petit peu ce qu'on fait chez Aldebaran. Donc il y a un slide juste rapidement pour placer un peu le contexte. Je ferai ensuite un petit rappel très partiel de l'histoire de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que vous connaissez sur l'IA et les différents paradigmes qu'il y a pu avoir au cours des 70 dernières années. Pour expliquer dans quel contexte, justement, on est arrivé à identifier un certain nombre de problèmes vraiment difficiles. On comprend un peu mieux où sont les difficultés pour réaliser le but de l'intelligence artificielle, en particulier l'ancrage des symboles. Alors, désolé, tout est en anglais, mais bon, je parle, donc ça devrait aller. Et vous parlez anglais aussi, j'imagine. Donc, je vous parlerai un peu du problème de l'ancrage des symboles, grounding symbols, et puis on enchaînera avec une introduction à la robotique développementale, qui est dans la continuité de cette évolution de la compréhension des problématiques de l'IA, qui nous amène aujourd'hui là, justement. On est sur ce sujet. Et puis, je vous parlerai de ce qu'on va faire en recherche dans ce qui s'appelle le AI Lab chez Aldebaran, qui est une bonne façon de parler de sujets qui sont d'actualité et donc vous mettre au cœur de l'état de l'art aujourd'hui de la recherche. Ensuite, les présentations de Pierre Houdayer et David Filia viendront compléter ça avec des points précis de ce thème de recherche qui est la robotique développementale. Donc pour commencer, juste un mot. Donc Aldebaran, c'est une boîte française, une start-up qui a été créée il y a 7 ans, 8 ans et qui développe des robots humanoïdes, ceux que vous aviez vus en premier sur le premier slide, sur le slide d'intro. Donc c'est une start-up française, il y a de l'ordre de 350 employés, donc c'est quand même assez conséquent. Et il y a quelque chose qui est assez commun dans les sociétés technologiques, c'est-à-dire une partie de recherche appliquée, sur laquelle j'élaborerai pas du tout, on n'a pas le temps. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés dans une perspective de recherche appliquée. Donc on essaie de résoudre les problèmes que la production a pour réaliser des robots interactifs qui sont capables d'aider les gens. Et puis, ce qui est un peu plus singulier, c'est une entité de recherche, on va dire, fondamentale, c'est-à-dire qui s'intéresse aux problèmes scientifiques sur du long terme, et qui s'appelle le AI Lab, et qui est le cadre dans lequel j'interviens plus directement. Moi, je coordonne l'ensemble, mais en fait, mon sujet principalement est là. Donc, on en parlera à la fin, quand on reviendra sur le programme de recherche de cette entité. Donc, voilà. Dans la Sony, c'est un peu singulier, le fait qu'il y ait de la recherche fondamentale. Et quelque part, c'est un peu ce qu'il y avait aussi chez Sony, à travers le Sony Computer Science Lab, où j'avais été, et Pierre-Yves aussi. Une unité comme ça, de recherche fondamentale, au cœur d'un groupe, d'un grand groupe, ça existe. Voilà. Pour ceux d'entre vous qui se posent la question, est-ce que faire de la recherche, c'est forcément se couper du monde industriel? La réponse est évidemment non dans ce cadre-là, mais c'est aussi non pour ce cadre-là si vous savez chercher au bon endroit. Donc, fin de cette petite introduction. Je rappelle quelques courants de l'intelligence artificielle, plus ou moins datés dans le temps, donc j'ai mis des dates qui sont à prendre avec des grosses pincettes, parce que tout ce que vous allez voir là est encore recherché par un certain nombre de gens, mais je dirais que historiquement, les premières choses que vous allez voir sont passées un petit peu de mode, et on va dire on a changé de paradigme. Un des points de départ, c'est de se poser la question, quand on parle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on fait de l'intelligence artificielle? Alors moi, je vois trois façons de regarder le problème, trois grandes catégories de personnes qui travaillent sur ce problème-là. Des gens qui sont dans une logique appliquée, qui essaient donc de résoudre un problème donné. Ils se donnent un problème bien délimité. Par exemple, je fais un robot qui est capable d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine et l'apporter à une personne âgée dépendante. Voilà. Le problème est relativement bien posé, même si c'est très compliqué parce que l'environnement peut être varié. Mais disons qu'on se pose un problème précis. Et là, tout est possible. Toutes les techniques de l'ingénieur sont à la disposition des gens qui essaient de résoudre ce problème. On est dans la logique appliquée. Il y a des gens pour qui intelligence artificielle, c'est essentiellement essayer de reproduire le vivant, donc de créer des simulations les plus réalistes possibles du cerveau. Des projets qui s'inspirent, enfin qui essaient de reproduire des colonnes corticales et qui essaient d'en assembler un maximum pour faire une simulation du cerveau. Et là, ce qui est le sujet principal, c'est d'avoir un modèle du vivant, vraiment une reproduction exacte de ce qui se passe dans le vivant. Et puis, je pense qu'il y a une troisième approche que j'appelle, on va dire, la theory of intelligence, c'est l'idée de chercher ce qui, dans le cerveau, donc finalement dans l'approche biologique, est fondamental en termes de processus de traitement de l'information, si tant est qu'on puisse décrire ce qui se passe dans le cerveau à ce niveau-là. On fait l'hypothèse que c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'abstraction où on peut décrire ce qui se passe dans le système qui est sensiblement plus élevé, plus haut niveau que les neurones eux-mêmes. Si on veut faire un parallèle, c'est comme dire, ben voilà, si je dois expliquer comment PowerPoint fonctionne, je peux en donner une description d'assez haut niveau en termes d'échange d'informations, etc. Enfin, je regarde le code source, par exemple, ou je peux aussi dire, ben, en fait, je regarde les courants électriques qui passent dans le microprocesseur. Donc les deux sont valides, mais si on fait l'hypothèse pour le cerveau que, si on fait parallèle, les courants électriques, c'est les courants dans les neurones, donc si on fait l'hypothèse qu'il existe une description fonctionnelle d'un peu plus haut niveau, ça peut être intéressant de regarder une théorie de l'intelligence, c'est-à-dire un modèle qui va simplifier la complexité de ce qui se passe au niveau de chaque neurone et qui en donne une description plus structurée et qu'on va pouvoir décrire en termes de manipulation d'informations, de changement de structure, voilà. Et donc c'est cette troisième approche-là qui est celle qui moi m'intéresse, essentiellement d'ailleurs parce que la première, elle est limitée puisqu'on se pose un problème très précis et à chaque fois qu'on a un nouveau problème, on doit trouver de nouvelles solutions. Bon, c'est pas aussi tranché que ça, mais disons que c'est par essence plus difficile de trouver des généralisations. Et dans la deuxième, la difficulté, c'est que vous pouvez très bien réussir à faire un cerveau bis qui fonctionne, mais vous n'avez toujours pas compris comment ça marche. Vous avez reproduit exactement ce qui se passe. Et si vous ne comprenez pas comment ça marche, c'est pas évident que vous puissiez intervenir sur le système pour lui donner certaines propriétés, pour le rendre utile, faire ce que vous voulez avec, le limiter ou l'augmenter. Voilà. Bref, c'est plus difficile. Ce que je dis parfois en caricaturant, en disant mais si on veut juste reproduire un cerveau, on peut faire des enfants, ça marche très bien, et ça ne nous apprend pas grand-chose sur comment marche le cerveau. C'est évidemment complètement partiel, parce que si on a des modèles informatiques, on peut quand même regarder ce qui se passe. Donc tout ça est un peu pas aussi tranché. Mais l'idée de cette troisième approche, c'est qu'on va pouvoir introspecter, regarder les informations et leur structure et comment elles sont manipulées par le système. Donc potentiellement, on peut intervenir et être plus actif dans ce qu'on fait avec ce système. Alors très rapidement, dans l'histoire, il y a eu, dans les débuts de l'intelligence artificielle, je pourrais mettre à l'année 50 d'ailleurs, une vision de l'intelligence qui était, on plaçait l'intelligence artificielle comme étant un problème de calcul essentiellement, et c'est la grande tradition logico-mathématique, où on manipule les symboles abstraits, on fait des calculs propositionnels en logique propositionnelle, et on essaie de faire de l'inférence pour obtenir de nouveaux faits à partir d'anciens faits. Prototypiquement, par exemple, ce que vous avez, c'est des choses du genre... Si le père de X, c'est Y, et le père de Y, c'est Z, alors le grand-père de X, c'est Z. Vous entrez des tonnes et des tonnes de connaissances de ce goût-là dans des systèmes, ça s'appelle par exemple des systèmes experts, et vous allez avoir quelque chose qui peut faire des diagnostics médicaux en expliquant comment il arrive à sa conclusion, etc. Très intéressant, mais on verra quand j'en ferai la synthèse, mais essentiellement, le problème de ce genre d'approche, c'est que les symboles qui sont dans le système sont entrés par les ingénieurs, et toute la complexité, toute l'intelligence, en fait, provient des ingénieurs qui construisent le système, et ensuite la partie inférence est finalement relativement triviale, c'est des systèmes qui passent très difficilement à l'échelle dans l'environnement, et en particulier dans des robots. Ça ne marche pas, en fait. Et puis, de manière, en réaction de ça, il y a eu un autre paradigme qui est dans les années 90 qui a émergé, porté par quelqu'un de très célèbre, qui est toujours très actif d'ailleurs, qui s'appelle Rodney Brooks, et qui a dit, mais en fait, on va prendre le point de vue complètement opposé à celui que je viens de vous présenter, et on va faire des systèmes qui n'ont aucune représentation, aucun symbole, et qui sont essentiellement purement réactifs dans une boucle d'interaction entre des capteurs et des actuateurs, et avec des modèles qui sont qui ne représentent donc pas l'environnement et qui sont très réactifs, très instinctifs, donc par exemple des insectes, voilà, typiquement. Et on a réussi, et ça, c'est pour ça que cette approche a eu beaucoup de succès et qu'il y a eu tout un paradigme qui s'est formé, parce qu'on arrive à obtenir des comportements assez sophistiqués et assez malins dans des environnements complexes, où on arrive à faire des machines qui se débrouillent dans des situations mal spécifiées. Alors le problème de cette approche-là, c'est qu'elle a du mal à passer à l'échelle, c'est-à-dire que quand la résolution des problèmes demande une certaine abstraction, demande finalement d'une manière ou d'une autre des symboles qui représentent les interactions entre les différentes parties du problème et comment les manipuler, comme il n'existe pas ces symboles, c'est très difficile de passer à l'échelle et d'aller au-delà de systèmes qui sont en fait des insectes artificiels. Ensuite, il y a, c'est pas forcément de l'ordre chronologique ni logique, mais je vous en parle, vous en avez tous entendu parler de réseaux de neurones. En général, quand il ne s'agit pas des neurones dont je parlais tout au début, qui sont des modèles très précis, aussi précis que possible, de la réalité biologique, c'est essentiellement des modèles mathématiques, qui sont des fonctions qui prennent une entrée et qui donnent une sortie, associées à une méthode de mise à jour de cette fonction qui permet de faire de l'apprentissage, donc de changer les paramètres à l'intérieur, pour que cette fonction marche mieux. Vous avez essentiellement des neurones, des poids, des nombres qui sont associés aux connexions entre ces neurones, et vous avez des signaux qui se propagent d'un neurone à l'autre, avec des méthodes de sommation, des choses extrêmement simples. Ça donne des résultats très intéressants, et encore aujourd'hui, c'est très utilisé, et ça, c'est un potentiel important, avec à nouveau la difficulté à passer à l'échelle, et en sorte que ces systèmes fassent émerger des représentations de plus haut niveau sur lesquelles ils vont pouvoir raisonner et faire aller vers des formes d'intelligence qui nécessitent de la structure. C'est très difficile. Et puis, c'est aussi, en général, assez difficile à introspecter. Donc, regardez ce que le système a appris. Pourquoi ça marche ? C'est pas simple de répondre, en général, à cette question avec des réseaux de neurones. Plus récemment, il y a des approches qui sont statistiques, qui sont en fait des généralisations au sens vraiment très large des réseaux de neurones, c'est-à-dire des outils mathématiques puissants, basés sur des statistiques, pour essayer d'extraire des corrélations dans les signaux et d'apprendre des régularités dans les signaux qui arrivent dans le système. J'en cite quelques-unes, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais essentiellement portées par l'accroissement de la puissance des CPU, on a aujourd'hui des choses vraiment très impressionnantes dans ce registre-là. Google est très actif sur ça, mais en fait, beaucoup d'autres sociétés travaillent avec des approches statistiques. Et Google Translate, par exemple, c'est une approche statistique un peu brutale, mais qui marche, qui a surpris d'ailleurs les gens. Donc, c'est une approche aussi qui aujourd'hui encore, est très pratiquée. Et la difficulté fondamentale de toutes ces approches, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle ? C'est-à-dire, une fois qu'on a résolu un problème... soit très conceptuel de diagnostic médical ou un problème de localisation d'espèces d'insectes ou de traitement d'un problème complexe avec une fonction statistique, etc. Certes, on a résolu un problème, mais quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans toute sa généralité, On a besoin de systèmes génériques, on cherche à faire un système générique qui va être capable d'apprendre et de résoudre potentiellement n'importe quelle tâche. Et le problème fondamental, c'est le passage à l'échelle avec ces approches-là. Essentiellement, les symboles qui sont manipulés dans les systèmes symboliques n'ont pas de sens. On va regarder ce qu'on entend par là après, mais l'intelligence vient du sens que nous, on attribue à ces symboles. Comme je vous ai dit, les systèmes réactifs ne passent pas à l'échelle. Et puis, pour ces approches neuronales ou statistiques, on a un problème dont sans doute Pierre-Yves parlera beaucoup, qui est le problème de la malédiction de la dimension. Enfin, en gros, la dimension des espaces dans lesquels on essaie d'apprendre des choses, dès qu'on sort de problèmes qui sont bien bornés, eh bien, la dimension est immense et l'espace est trop grand pour pouvoir faire, même avec la puissance des CPU aujourd'hui, pour pouvoir faire fonctionner ces algorithmes et trouver des solutions. Comment on fait ? Alors, en fait, on a compris une chose, c'est que le cœur du problème, si on simplifie, qu'on dit d'un côté, on a des systèmes symboliques qui sont capables de faire du raisonnement, mais qui sont un peu déconnectés de la réalité, déconnectés des perceptions. De l'autre côté, des systèmes qui sont très proches de la perception, mais qui font pas de raisonnement. Je simplifie, hein. Mais la difficulté, c'est de connecter les deux et de faire en sorte que les symboles soient ancrés dans le réel. On appelle le symbol grounding, qui a été posé par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Arnade dans les années 90. Et comment faire donc pour que les symboles qui éventuellement apparaissent dans un système ne soient pas posés par les ingénieurs, mais viennent de manière intrinsèque du système lui-même et de son histoire d'interaction avec l'environnement et avec les personnes avec lesquelles il peut avoir interagi. Donc c'est un problème fondamental. Et pour vous montrer un petit peu les concepts qui sont en jeu, si on regarde par exemple cette bouteille, vous avez ici un référent qui est un objet dans le monde. Ce que ça veut dire objet. David Filia va présenter la notion de proto-objet. Déjà, c'est pas très bien défini, mais admettons que vous regardez cette bouteille, et puis vous avez un sens qui peut être une catégorie perceptive sur cette bouteille. Alors, vous avez plein de façons d'extraire du sens de cette bouteille. Vous pouvez regarder sa forme, sa couleur, son usage, sa position, le fait que la dynamique de cet objet est une dynamique de fluide, en fait, hein, donc c'est très singulier, où on peut le caractériser dans l'espace sensorimoteur. Donc il y a plein de façons de regarder cette bouteille, plein de façons de catégoriser l'ensemble des perceptions visuelles ou tactiles que vous pourriez avoir avec cette bouteille. Et vous pouvez en choisir une. Le système peut en choisir une dans une certaine circonstance parce que c'est pertinent pour la situation. On va prendre un exemple tout à l'heure. Mettons que ce qui intéresse le système, c'est justement les propriétés dynamiques de cet objet, dans sa façon de réagir quand on le saisit, quand on le prend, quand on le secoue. Et donc, une certaine catégorie peut être sélectionnée, un certain sens, et à ce sens, on va associer une certaine forme, le mot liquide. Donc le système peut être amené à parler du liquide en désignant cet objet. Mais dans un autre contexte, on arrivera à parler de la couleur bleue, ou de la forme, ou je sais quoi. La question de l'association d'un symbole, finalement, à une perception extérieure est un problème assez complexe parce qu'il y a cette indirection, si vous voulez, qui passe par la création du sens, qui est multiple. Et il faut répondre à la question comment on établit ce lien et comment on établit ce lien. Voilà. Et alors, il y a une expérience qui a été... je passe sur ça, on en reparlera tout à l'heure en conclusion, puis j'ai pas forcément assez de temps, mais... Je voudrais passer un peu de temps sur une expérience assez connue qui s'appelle les Talking Heads, qui a été menée justement chez Sony CSL et qui s'est intéressée à ce problème justement de l'ancrage des symboles et de la construction dynamique du sens. Alors dans cette expérience, vous avez deux agents qui sont en fait des caméras, on va dire des robots si vous voulez, qui regardent une scène sur laquelle voilà, vous voyez des formes géométriques. Donc en termes de perception, on va dire c'est relativement riche. Pas trop compliqué, parce que le but était quand même de démontrer des mécanismes généraux et pas forcément d'attaquer le problème de la perception en soi. Mais ces agents regardent cette scène et ils vont, dans cette expérience, s'engager dans ce qu'on appelle un language game, c'est un jeu de langage, qui est une forme d'interaction très structurée, dont le but va être de faire émerger un lexique de mots que ces agents vont construire dynamiquement, des mots qui ne sont pas forcément des mots anglais ou des mots français, des mots à eux qu'ils inventent, un lexique de mots qu'ils vont partager à terme. Bien sûr, il n'y a pas de, de mémoire centrale où il pourrait tricher et s'échanger des infos. Donc, de manière dynamique, le lexique en question va évoluer de telle sorte qu'il soit partagé et qu'il soit utile pour décrire la scène. Et en particulier dans le guessing game, le jeu en question consiste pour les agents, le premier, qui est ce qu'on appelle le speaker, va désigner un objet. Alors, il ne le désigne pas justement en le pointant. Il va en choisir un dans la scène, une des formes géométriques, va dire un mot qu'il associe, lui, à cet objet dans la scène. Et l'autre agent doit, en entendant simplement ce mot, deviner, comprendre de quel objet il s'agit dans la scène et le pointer. Et donc le jeu peut réussir ou échouer selon qu'il pointe en effet vers l'objet qui avait été choisi par le speaker ou pas. Je ne sais pas si j'ai le temps de regarder. Oui, je pense que c'est assez important de le faire. Voilà le schéma dans lequel se passe ce jeu de langage, ce guessing game. Vous avez le speaker ici qui commence par choisir un référent dans l'image. Alors, vous voyez, par exemple, le triangle rouge ici, qui va, avec un module de perception, extraire des features très génériques qui caractérisent cette perception. Alors, imaginez que ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, c'est tout ce que vous pouvez extraire comme information. Et la méthode par laquelle vous extrayez cette information peut évoluer aussi dynamiquement. Mais bon, là, elle est fixée. On a fixé un certain nombre de choses qui peuvent caractériser cet objet, sa forme, sa couleur, position, en haut ou en bas, etc. etc. Donc, ça, c'est la perception brute. Une fois que l'agent a choisi, mettons au hasard, on peut utiliser des heuristiques par ailleurs, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il choisit un au hasard, et il obtient cette perception abstraite. Alors, justement, pas complètement abstraite, il y a une étape supplémentaire qui consiste à catégoriser cette perception brute. C'est par exemple donner des intervalles qui caractérisent certaines valeurs. Et on va donner donc une catégorie, c'est-à-dire une sous-partie de l'ensemble, enfin de l'espace complet qui peut décrire toutes les perceptions possibles et imaginables. Et il va choisir une sous-catégorie qui va, par exemple, être discriminante par rapport à tous les autres. Donc, avec cette catégorie-là, par exemple ici la couleur, R supérieur à 100 et machin, bah, c'est une bonne catégorie pour le distinguer des deux autres. Donc, c'est potentiellement un bon candidat pour créer un mot qui, avec un peu de chance, si dans la tête de l'autre agent est associé à la même catégorie, va lui permettre de désigner cet objet, puisqu'elle elle a comme caractéristique d'être très différente des deux autres. L'appartenance à cette catégorie est unique pour l'objet qui a été pointé. Et ensuite, soit l'agent a déjà un mot associé à cette catégorie, auquel cas il va le récupérer, soit il en crée un si besoin, mais il va identifier un mot qui correspond à cette catégorie. Soit en le créant, soit en le récupérant parce qu'il était déjà là, et va le prononcer. L'agent en face, donc le hearer, celui qui entend ce mot, Mikari va faire le chemin inverse. Va regarder dans sa base de connaissances si ce mot est associé à une catégorie déjà. Alors, on va supposer que c'est le cas. Si c'est pas le cas, il va essayer de deviner s'il n'y a pas un objet particulièrement intéressant là-dedans qui pourrait. Voilà. Donc, il y a des moyens d'essayer de deviner ce que ça pourrait être quand on n'a aucune idée. Mais supposons qu'il a déjà un sens dans sa tête. Par exemple, pour lui, Mikari, ce mot-là, ça veut dire la position est supérieure à 5, donc en gros, l'objet est vers le haut. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas du tout la même chose que ce que le speaker a dans sa tête. Et pourtant, avec cette catégorie-là, quand il va l'appliquer comme un filtre sur toutes les valeurs de perception des différents objets dans la scène, il va en trouver qu'un seul, qui est le triangle rouge en haut. Et il va le pointer. Et le jeu va être un succès. Alors c'est intéressant parce que le jeu est un succès alors qu'il ne partage pas forcément la même représentation pour un même mot. Et ça va être un succès fortuit. C'est-à-dire que dans cette interaction, ils vont tous les deux sortir en renforçant l'association entre ce mot et cette catégorie, il y a des poids par exemple qui matérialisent cette association, et ils vont tous les deux décider d'augmenter le score de cette association. Ce qui fait que le coup d'après, ils vont avoir plus de chances de l'utiliser, et le mot Mikari, associé respectivement à cette catégorie, puis pour l'autre à la couleur rouge, va se renforcer. Mais il se trouve que c'est fortuit. Donc dans un autre jeu, quand ils vont refaire ce jeu à un autre moment, il y a des chances que la coïncidence qui a fait que ça a marché ne fonctionnera pas et le jeu va être un échec. Donc statistiquement, au bout d'un certain nombre d'itérations, au bout d'un certain temps, les associations qui ne sont pas, on va dire, synchronisées finissent par avoir des mauvais scores et ceux qui sont fortuitement synchronisés, enfin plutôt sont synchronisés, c'est fortuit parce que tout ça se fait un peu au hasard. Donc les agents choisissent un peu au hasard. Mais bon, s'il y a une correspondance, eh bien, ils sont renforcés. Et donc, au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient une convergence au bout de quelques milliers d'itérations. Et les agents vont se mettre d'accord de manière non univoque. C'est-à-dire, un mot peut avoir plusieurs catégories potentielles. Alors, il y en a toujours une qui a un meilleur score que l'autre, mais... voilà, il y a parfois des doutes. De même, il y a des catégories qui ont plusieurs mots associés. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les langues, les vraies langues, les ambiguïtés, etc. Mais bon, globalement, au bout d'un moment, les associations qui existent dans la tête de chacun des agents sont telles qu'ils réussissent à jouer correctement à ce jeu à tous les coups, quasiment. Voilà, ça converge très vite vers un et ça fonctionne. Alors, pourquoi c'est une expérience importante ? Parce que ce que vous avez au terme de cette expérience, vous voyez une autre version où les... Je crois que c'est une expérience qui est menée où ils essaient d'ancrer non pas des couleurs et des choses comme ça, mais des gestes que les robots vont exécuter. Alors pourquoi c'est une expérience importante ? Ben, pour trois raisons. D'abord, les symboles qui émergent dans ces systèmes sont socialement ancrés. C'est-à-dire que le lexique de mots est partagé par les différents agents. Et on n'a pas triché, on n'a pas une mémoire centrale. Donc il y a une dynamique qui fait que ça converge. Les symboles qui sont ancrés dans l'environnement. Si par exemple on enlève les couleurs, on coupe les caméras à couleurs et on met des caméras noires et blancs, ce qu'on va observer, c'est que les mots qui ont été associés à des catégories de couleurs vont progressivement baisser en score et vont disparaître du vocabulaire parce qu'ils sont pas en phase avec l'environnement où il n'y a pas de couleurs et ils vont être remplacés probablement par des mots qui décrivent des niveaux de gris. Et donc il y a un ancrage qui est lié à l'environnement et qui est aussi, c'est un peu inévitable vu la structure du jeu, qui est lié à la tâche. Ici, le jeu, il joue un certain jeu, donc il développe des mots, il développe un vocabulaire, pas dans l'absolu, il le développe pour jouer un certain jeu, donc il y a une certaine tâche qui motive la création de ce vocabulaire. Donc il est adapté à ce jeu. En particulier, les catégories vont être en général assez distantes les unes des autres. Il y a pas une catégorie qui serait ambiguë avec beaucoup de recouvrements générerait des erreurs, hein. Parce qu'il y aurait des cas où en fait on peut pas distinguer les deux catégories. Donc naturellement, la dynamique fait que on a quelque chose qui va être adapté à la tâche en cours. Donc ça, c'est des très bonnes propriétés qui répondent au problème de l'ancrage des symboles, du moins en partie, puisque ces symboles, ils sont pas sortis de la tête d'un ingénieur, ils sont sortis de l'interaction que les robots ont les uns avec les autres, liés à une tâche, etc. Et ils ont une composante sociale qui est un élément important dans la robotique. Mais j'aurai pas le temps d'en parler beaucoup. Voilà, juste pour dire aussi ce que je viens de vous expliquer sur le lexique. Il y a des gens dont Luke Stills qui continuent à travailler sur ça, mais au niveau de la grammaire. Et si vous voulez, c'est un peu le même cadre de problème. C'est que quand vous entendez John give a ball to Mary, vous avez des mots qui sont ordonnés. En fait, si vous n'aviez pas de grammaire, est-ce que vous entendriez quelque chose comme John, Mary, ball, give? Comment vous pouvez savoir que John est l'acteur, que Marie est la bénéficiaire du don? Comment vous pouvez savoir le rôle des constituants de la phrase? La réponse, c'est avec la grammaire. C'est un ensemble de stratégies qui ont été développées pour soit l'ordre des mots, soit des préfixes sur les mots, ça dépend des langues. Un ensemble de stratégies qui sont développées par les agents pour lever l'ambiguïté. On est dans la même logique que tout à l'heure. On essaie de trouver des façons de faire pour que la communication fonctionne et que les jeux en question aboutissent. Et donc là, il n'y a pas le choix. Il faut trouver une convention qui permet de désambiguer l'ordre des mots. Et ça s'appelle la grammaire, en fait. Donc, c'est les recherches qui se poursuivent dans cette direction. Alors, un mot de robotique développementale, et je vais tenter de conclure rapidement. L'idée, c'est qu'on s'intéresse au processus d'apprentissage et au développement d'un robot. On s'intéresse plus à ce processus qu'au résultat final. Assez traditionnellement, en intelligence artificielle, il y a des gens qui vont essayer de faire un système qui résout le problème que le système intelligent serait censé pouvoir résoudre à un moment. Et donc, ils s'attaquent à un système qui est terminé déjà, qui a déjà appris, qui est opérationnel, et ils essaient de le modéliser. Donc, ça peut marcher, mais peut-être que le processus par lequel le système est arrivé a réussi à acquérir cette compétence est peut-être plus facile, plus accessible, plus compréhensible que le résultat lui-même. Et donc l'idée de la robotique développementale, c'est de s'inspirer du développement, en l'occurrence développement cognitif de l'enfant, donc de prendre pas mal de références du côté de la psychologie du développement, les gens qui travaillent sur le développement cognitif des enfants, le développement du langage, et de regarder comment ça marche. Pour essayer de le reproduire dans un robot, ce que vous voyez, c'est un robot qui s'appelle iCub, qui ressemble à un bébé, mais c'est pas un hasard, il a été conçu pour ça, par les gens qui ont développé ce robot en Italie, et qui personnalise ce paradigme de recherche aujourd'hui, qui s'appelle la robotique développementale, où on va s'intéresser au processus, et donc on est dans une logique d'apprentissage, et en particulier, les robots démarrent avec le moins d'a priori possible. C'est quoi un robot, la vie d'un robot quand on est dans un labo de robotique développementale? C'est ça. C'est-à-dire on a des channels dans lesquels on a le channel sensori 1, 2, 3, 4, puis des channels moteurs, et on voit passer comme ça une espèce d'encéphalogramme. C'est ça ce que voit le robot. D'accord? Et à travers ça, il doit progressivement structurer ses champs d'information pour identifier des corrélations, identifier des choses qui se passent toujours les unes avec les autres, petit à petit comprendre la propre géométrie de son propre corps, simplement en établissant des corrélations entre le fait que je bouge ma main, alors je ne sais pas que c'est ma main, j'envoie du courant dans certains canaux, et il y a des corrélations sur d'autres canaux, en l'occurrence ma vue. Je ne sais pas forcément que c'est ma vue d'ailleurs. J'ai ça, moi. Le robot, c'est ça. Donc, il voit simplement des corrélations entre tous ces signaux. Et petit à petit, en partant d'aussi bas que ça, remonter jusqu'à la création d'orientation de l'espace, des proto-objets, et petit à petit de l'interaction sociale, et donc, pourquoi pas du langage, et de la grammaire, etc. Donc, c'est un programme très ambitieux, bien sûr, mais qui prend le problème dans sa perspective d'apprentissage, en allant à fond dans cette approche-là. C'est-à-dire, on démarre avec pratiquement rien, et le moins de biais possible dans le système. J'ai pas le temps de parler de ça, mais je pense peut-être que tu vas en parler, Pierre-Yves. Voilà, ça c'est un bébé qui fait du motor babbling, donc il teste ses canaux sensoriels moteurs, il essaie des courants dans tous les trucs, il se dit voilà, c'est quoi, je comprends rien. Et c'est ça. Et il y a des expériences qui ont été menées, donc là encore une fois Pierre-Yves en parlera, je pense, qui sont saisissantes, où on arrive à reproduire un peu ce genre de comportement dans des robots avec des principes très très simples, par exemple le principe de curiosité artificielle, mais encore une fois, je vais pas m'étendre là-dessus, je n'ai pas le temps et je pense que Pierre-Yves en parlera. Donc sur des principes très simples au niveau mathématique qui suffisent à rendre compte d'un certain nombre de comportements qu'on observe dans ce qui anime l'agent dans son exploration des possibles, donc dans l'exploration de ces canaux sensorimoteurs dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Je cite quelques problèmes ouverts, il y en a une très longue liste, pour vous montrer voilà les sujets sur lesquels on peut travailler, quel est le rôle de l'acte de pointer, qui est apparemment singulier à Homo sapiens, qui est ce qui caractérise notre espèce. A priori, aucun autre animal ne fait ce geste de pointer dans une logique qui n'est pas une logique « je veux », mais qui est une logique de « je te montre », pour te montrer quelque chose. Ça, apparemment, il n'y a que nous qui savons faire ça. On fait fonctionner des simulateurs dans notre tête, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent sur ça? Comment ça peut se modéliser? Comment ça s'interface avec tout le reste? Comment aborder un problème qui est ce qu'on appelle la theory of mind, c'est-à-dire la capacité qu'un agent a à un moment donné de modéliser la pensée de l'autre, en tout cas, sans aller jusqu'à la pensée, mais déjà les intentions, les buts, les croyances, dans le but d'interagir avec cette personne. C'est quelque chose aussi que l'on fait et qui est essentiel, en particulier dans le développement du langage. Ou dans le développement d'activités coopératives. Quel est le rôle des émotions dans tout ça? Comment on représente un but? C'est quoi un but? Est-ce que c'est une réalité dans le système? Ou est-ce que c'est quelque chose un mot qu'on s'est forgé pour parler de notre façon de faire, mais qui n'a pas de réalité dans le système? Il y a des étapes de développement dans un enfant qui sont assez bien identifiés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans un système à partir de principes plus simples, ou est-ce qu'on doit les postuler a priori? Est-ce que ça a un rapport avec le développement physique de l'enfant? Est-ce que la maturation physique est en fait un vecteur de la maturation cognitive? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça aide le système à apprendre? Pour ce que oui. Et puis la grande question de comment on représente les connaissances, alors sachant qu'on a à la fois des connaissances symboliques et subsymboliques, est-ce qu'on peut dire des choses, c'est encore des problèmes très très ouverts. Voilà, alors j'ai pas trop le temps de parler du programme du labo, mais de toute façon je vous en ai parlé implicitement à travers tout ce que j'ai dit. On essaye de lier, enfin de combler le trou, on va dire, entre des gens qui font des choses extrêmement impressionnantes aujourd'hui dans la partie catégorisation, donc essayer d'extracter des corrélations et du sens, enfin de la structure dans les canaux de perception du robot. Et de l'autre côté, des gens qui font des language games, de l'apprentissage, de la grammaire, des choses très symboliques. Comment on essaie de creuser, enfin de combler l'écart entre les deux en intégrant des choses liées à la theory of mind, aux émotions, et comment on essaie de faire en sorte que c'est ce que je vous ai montré, et je conclurai sur ça, ces language games qui ont cette propriété de faire en sorte que le lexique converge. C'est une très belle propriété, mais ils ont été conçus pour ça. Ils ont été très attentivement conçus pour que ça fasse ça. Et là, on a encore une fois la main de l'ingénieur ou du chercheur, et on aimerait que les agents spontanément conçoivent eux-mêmes leurs propres interactions, leurs propres jeux. Comment se fait-il que des enfants se synchronisent à un moment donné pour décider de jouer à un certain jeu qui aurait la particularité de leur permettre d'apprendre? C'est pas n'importe quoi comme jeu. C'est des jeux qui ont une utilité. Et donc, comment on pourrait rendre compte de ces mécanismes-là en utilisant des principes, encore une fois, très fondamentaux, qui se situent au niveau de l'information et du traitement du signal, mais de manière très, très fondamentale, sans introduire de biais. Il faut toujours se méfier de ne pas introduire la solution au problème qu'on est en train de résoudre dans les modèles qu'on propose. Et parfois, la solution se cache de manière très, très subreptice dans le système, enfin dans le modèle qu'on propose. Donc comment faire pour qu'il n'y ait pas de biais? Voilà, ça j'ai pas le temps d'en parler. Questions, je pense qu'on fait les questions à la fin, c'est ça? Donc je vais laisser la parole à Pierre-Yves Houdayer, qui va vous parler de curiosité artificielle et de plein d'autres choses. Et j'ai un applaudissement. Bonjour, alors je m'appelle Pierre-Yves Houdayer et je travaille, je suis directeur de recherche dans une équipe de recherche qui s'appelle Flowers et qui est en fait bilocalisée et associée à deux institutions. L'une d'entre elles c'est INRIA et l'autre c'est l'ENSTA qui est pas très loin d'ici. Et David qui parlera après moi fait partie aussi de cette équipe. Qui est donc localisé sur deux endroits. Il y a le site parisien à l'ENSTA et puis un site INRIA à Bordeaux. C'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui a été créé il y a maintenant 5 ans. Et auparavant, comme l'expliquait Jean-Christophe, j'ai travaillé 10 années dans un laboratoire privé de recherche fondamentale qui s'appelait le Sony Computer Science Lab. Et c'est dans ce laboratoire que j'ai en fait commencé à travailler sur les sujets dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça tombe bien, Jean-Christophe a conclu sur la question que je voudrais adresser dans mon premier transparent. En fait, quand on était ensemble chez Sony CSL, on travaillait sur cette question de modélisation de la manière dont une communauté d'individus peut collectivement inventer, négocier un code linguistique, une langue nouvelle, un lexique nouveau, des sons nouveaux, des conventions syntaxiques nouvelles. Et comme le disait Jean-Christophe, en fait, dans tous ces modèles, il y avait effectivement un certain nombre de structures qui émergeaient, qui apparaissaient spontanément, mais il y avait aussi des choses qui étaient mises en dur par l'ingénieur. Et en particulier, parmi ces choses qui étaient mises en dur par l'ingénieur, c'était les structures d'interaction. Le fait qu'il y avait ce qu'on appelle un language game, un jeu de langage, dans lequel, dans chaque jeu, l'un des deux agents, l'un des deux individus a un rôle particulier, il sait ce qu'il doit faire à un moment particulier, il connaît une sorte de protocole d'interaction, et surtout, il a cette sorte de tendance innée à vouloir en permanence interagir vocalement et linguistiquement avec ses partenaires. Et une question qu'on se pose, parce que ces modèles, on les construisait pour essayer d'avancer dans notre compréhension de l'évolution des langues et même encore plus profondément l'évolution de la capacité de langage lui-même. Et donc forcément, eh bien, à un moment donné est apparue cette question d'un point de vue évolutionnaire, d'un point de vue développemental, d'où viennent ces mécanismes qui, à un moment donné, on met dans ces modèles et qui poussent un individu à vouloir interagir avec les autres. C'est ça qui, progressivement, nous a amené à réfléchir sur la question non pas de la formation de structures à l'échelle sociale, mais la question de la formation de structures comportementales, motivationnelles, à l'échelle individuelle, au cours du développement d'un individu pendant son existence. C'est ce qu'on appelle l'épigénèse ou aussi l'ontogénèse. Alors, cette nouvelle activité qu'on a commencé à développer à Sony CSL et maintenant qu'on développe à ENRIA et à ENSTA ParisTech, elle s'inscrit dans un domaine qui s'appelle la robotique développementale dont a commencé à parler Jean-Christophe. L'un des enjeux principaux, c'est d'essayer de comprendre, de construire et d'étudier les mécanismes qui peuvent permettre à un individu d'acquérir des savoir-faire nouveaux, que ce soit des savoir-faire sensorimoteurs ou des savoir-faire sociaux. Donc, les savoir-faire sensorimoteurs, c'est savoir interagir avec les objets et avec le monde physique. Les savoir-faire sociaux, c'est savoir interagir avec les autres, avec les humains en particulier. Et alors, on ne va pas s'intéresser à n'importe quel type d'apprentissage. On va s'intéresser d'abord à des apprentissages qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'on va vouloir que les individus, les machines en particulier, soient capables d'apprendre des répertoires de savoir-faire nouveaux et que pour chaque nouveau savoir-faire, eh bien, on n'ait pas besoin qu'un ingénieur intervienne pour re-régler le système, pour lui ouvrir le cerveau et le reprogrammer spécifiquement pour cette nouvelle tâche. Donc autonome, ça veut dire autonome vis-à-vis d'un ingénieur. Mais par contre, ça ne veut pas du tout dire autonome des interactions avec l'humain. Le robot, il peut apprendre soit par lui-même, par auto-exploration, ou en interagissant avec un humain qui n'est pas un ingénieur. Ensuite, on s'intéresse à l'apprentissage ouvert sur des périodes étendues. C'est ce qu'on appelle en anglais le lifelong learning. Enfin, on s'intéresse beaucoup à l'apprentissage dans le monde réel, c'est-à-dire face aux difficultés qui sont posées par les contraintes de la physique, mais aussi par les contraintes qui sont dues à l'interaction avec des humains qui ont un comportement évidemment souvent très complexe, en particulier dans leurs interactions sociales. Et c'est pour ça que dans nos activités, il y a une part extrêmement importante d'expérimentation. La validation expérimentale est une méthode première dans notre démarche. Alors, évidemment, quand on présente ça, on va partir d'un organisme qui a déjà toutes ses capacités et qui existe, qui est l'homme, et aussi un certain nombre d'animaux d'ailleurs, qui sont capables d'apprentissage autonome, ouvert, de savoir-faire physique et sociaux. Et on va essayer de se baser sur un certain nombre de connaissances qui ont été acquises par les scientifiques en psychologie développementale, en neurosciences développementales et aussi en linguistique, pour essayer d'expliciter ces mécanismes de l'apprentissage ou du développement. Et on va essayer de formaliser ces mécanismes et de voir à quel point on peut arriver à les transposer dans des machines de telle manière à comprendre à quel point on peut arriver à construire des robots capables de ces choses-là. Alors on va par exemple Ah oui, alors on va s'intéresser à des mécanismes comme, par exemple, j'en parlerai après, l'imitation, l'exploration spontanée. C'est là qu'on parlera de curiosité artificielle, de maturation. C'est le corps qui grandit et qui progressivement va libérer des degrés de liberté nouveaux, va rendre disponibles des appareils sensoriels de plus en plus fins. Et alors, dans ce travail de modélisation des connaissances qui existent en sciences humaines et en sciences du vivant, en fait, eh bien, on s'aperçoit très vite que, et c'est finalement normal, il y a encore énormément de choses qu'on ne comprend pas du tout dans le développement de l'enfant. En fait, à peu près la plupart des choses qui sont à comprendre, on ne les comprend pas encore. Et chaque fois qu'on essaye de formaliser une théorie qui vient, par exemple, de psychologie développementale ou de neurosciences, eh bien, on s'aperçoit très souvent qu'il y a des trous, qu'il y a des hypothèses qui sont implicites, mais qui sont importantes, ou que parfois, il y a des choses qui sont considérées comme absolument inatteignables, et puis quand on les regarde d'un point de vue formel, eh bien, on peut comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc, en fait, on va avoir une interaction avec les sciences humaines et du vivant qui n'est pas que monodirectionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement s'inspirer du vivant, essayer de transposer les mécanismes dans les machines, mais on va utiliser les machines comme des outils intellectuels et expérimentaux pour développer nos intuitions sur les mécanismes du développement et essayer de faire avancer cette compréhension chez le vivant. Et donc du coup, les objectifs de la robotique développementale, c'est véritablement dual. C'est-à-dire que d'une part, on va essayer d'avoir une compréhension fondamentale des mécanismes du développement chez les machines. On va poser des questions fondamentales, comme par exemple, une machine peut-elle apprendre comme un enfant ? Ça pose des questions pas simplement techniques, ça pose aussi des questions philosophiques, éthiques. Et vice-versa, c'est une question qui va avec, on va se poser la question, quand on pose la question, une machine peut-elle apprendre comme un enfant ? On pose en même temps la question, qu'est-ce que c'est qu'apprendre comme un enfant ? Et donc on va aussi s'intéresser à cette question-là. Par ailleurs, ce genre d'activité, ça n'a pas simplement un intérêt fondamental. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à développer un certain nombre de visions et de technologies dans le domaine de ce qu'ils appellent la robotique personnelle. Et c'est un domaine qui essaie de mettre au point des machines qui pourraient aider les humains dans leur quotidien. On pense souvent à des personnes qui ont des handicaps physiques ou cognitifs, des personnes âgées par exemple, et pour avoir des robots qui les aident dans leur maison à maintenir leur autonomie. Mais on pense aussi tout simplement à des robots qui vont aider monsieur tout le monde, les accompagner dans leur quotidien, soit pour des tâches bassement matérielles ou tout simplement pour discuter avec eux et s'amuser avec eux. Dans tous ces cas, ces machines, elles arriveront vraiment dans les maisons et elles commenceront vraiment à être adoptées seulement quand elles seront capables de s'adapter aux particularités de chaque utilisateur. Les utilisateurs sont des humains, et les humains sont tous différents, ils ont tous leurs propres préférences, leurs propres habitudes, leurs propres manières de s'exprimer. Et on ne peut pas imaginer qu'un ingénieur soit capable de préprogrammer à l'avance toutes les alternatives, toutes les manières dont un utilisateur particulier va vouloir interagir avec un robot, toutes les tâches qu'il va vouloir lui faire faire. Donc c'est absolument nécessaire, pour que cette vision devienne réalité, eh bien, que les robots soient capables de s'adapter sur des périodes de temps étendues en interaction naturelle avec des humains. Il se trouve que c'est exactement le but de la robotique développementale. Alors, l'un des challenges techniques principaux en robotique développementale, c'est de comprendre comment des robots peuvent apprendre notamment la correspondance, le mapping, entre les actions qu'ils vont réaliser dans certains contextes et les effets que ces actions vont produire. Et aussi, comment ils peuvent apprendre à séquencer, à composer ces actions pour atteindre un certain nombre de buts. Donc ça veut dire, par exemple, apprendre comment la pression qu'on envoie dans des muscles pneumatiques peut permettre de faire bouger le centre de gravité d'un robot, comprendre comment des mouvements du bras d'un robot vont pouvoir taper, toucher un objet et lui provoquer un certain mouvement, comprendre aussi, par exemple, comment des vocalisations ou des gestes produits par un robot vont pouvoir impacter, avoir un effet sur les humains qui sont autour de lui. Donc en général, on modélise ce problème en considérant un espace de programme moteur qu'on appelle des contrôleurs, qui est souvent paramétré par un certain nombre de nombres réels, Ça rend leur manipulation assez pratique. Et puis, un espace d'effet, qu'en général, on va aussi paramétrer par un certain nombre de nombres réels. Et à partir de là, on va se poser plusieurs types de problèmes. Quand on va, par exemple, s'intéresser à l'apprentissage de quelles sont les conséquences de programmes moteurs qu'on va effectuer, on va apprendre ce qu'on appelle les modèles directs, et là, on va utiliser des algorithmes qui s'appellent les algorithmes de régression. On va faire des expériences, on va lancer les programmes moteurs avec des paramètres donnés, puis on va observer les effets quand on a des paramètres, et puis à partir de là, on va essayer de construire un modèle de cette chose-là qui nous permettra de prédire dans le futur les conséquences d'une action particulière. On peut s'intéresser aussi au modèle inverse, c'est-à-dire en gros, étant donné des buts, des effets qu'on aimerait réaliser, eh bien trouver les bons programmes moteurs qui lui correspondent. En général, quand on fait ça, on va plutôt utiliser des algorithmes d'optimisation. Et puis, quand on s'intéresse à la question de comment séquencer ces programmes moteurs pour atteindre des buts, eh bien, on va utiliser des algorithmes d'apprentissage par renforcement et aussi des algorithmes d'apprentissage des découvertes de structures qui vont permettre de découvrir quelles sont les briques de base, les briques élémentaires d'action, par exemple, qui permettent de résoudre un certain nombre de tâches variées. Alors, une difficulté qui se pose très souvent, c'est que ces espaces, ils sont de grande dimension, ils sont non linéaires, ils sont continus, ils sont redondants. Et quand on travaille avec des robots qui sont ancrés dans le substrat physique et qu'on veut que ces robots apprennent de manière autonome, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, c'est les robots qui eux-mêmes vont devoir collecter leurs propres données d'apprentissage. Ce n'est pas un humain expert qui va leur fournir des bases de données un peu à la petite cuillère. Non, ce n'est pas ça. C'est le robot qui lui-même va être obligé d'aller chercher ces données. Et comme c'est un robot et qu'il a une existence physique, aller chercher ces données, ça va vouloir dire faire des expériences physiques dans le monde physique et social. Et ça prend du temps, tout simplement. Et le problème, c'est que prendre du temps, ça veut dire qu'étant donné la durée de vie d'un robot, qui est fortement limitée, hein, comme celle des humains, et bien ça veut dire que dans l'espace d'une vie, c'est-à-dire même aussi longue ou aussi courte que celle d'un humain, selon le point de vue, ça veut dire que, typiquement, par rapport à la dimensionnalité des espaces dans lesquels notre corps évolue, l'ensemble des activités motrices manipulant des centaines de muscles dans des espaces sensoriels de milliers de dimensions, et on a des milliers de capteurs sensoriels sur notre corps, le nombre d'expériences physiques qu'on va pouvoir faire dans notre vie va être ridiculement petit par rapport à la taille de ces espaces. Et donc, ça va poser de gros problèmes à tous ces algorithmes de régression, d'optimisation, etc. Et donc la seule manière d'arriver à un quelconque apprentissage dans ces espaces-là, c'est évidemment pas de penser que ça va marcher, par exemple, en faisant de l'exploration aléatoire, mais c'est de guider l'exploration. C'est de guider la collecte de données d'apprentissage et la structurer. Et il se trouve que, il y a un certain nombre de familles de mécanismes qui sont bien connus chez les enfants, qu'on appelle des contraintes développementales, et qui vont les guider progressivement dans leur découverte du monde, dans leur découverte de leur corps et des relations entre leur corps et l'environnement physique et social. Il y en a plusieurs familles, et ces familles forment la base du travail de la robotique développementale et de notre équipe en particulier, et on va étudier leur formalisation, leur transposition dans des machines. Alors aujourd'hui, je vais seulement donner quelques exemples de certains de ces mécanismes. Je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, l'apprentissage actif, c'est tout ce qui est lié à l'exploration spontanée et la curiosité, je vais y revenir tout à l'heure. Je ne parlerai pas d'un mécanisme qui est cependant extrêmement important, qui est l'apprentissage social, l'apprentissage par imitation. C'est-à-dire comment est-ce qu'un robot, en interaction avec un humain qui n'est pas un expert, va être capable d'apprendre un certain nombre de structures, de tâches, de programmes moteurs en l'observant agir. En l'observant agir, mais aussi en observant cet humain, qui est aussi un professeur, lui donner du feedback, des instructions quand lui-même agit. Donc ça, c'est une thématique extrêmement importante. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Une autre thématique, dont je parlerai pas, mais dont David Filia parlera, c'est la construction progressive d'abstraction cognitive. C'est-à-dire que on va avoir un certain nombre de mécanismes qui, plutôt que de s'en restreindre à essayer de trouver des régularités dans des signaux de très grande dimension et de très bas niveau, vont essayer progressivement d'abstraire, de trouver des premières régularités qui vont servir de sortes de senseurs virtuels ou de commandes motrices virtuelles, de macro-actions ou de macro-senseurs qui vont simplifier les espaces et leur permettre de faire des choses plus compliquées. Et puis enfin, il y a d'autres types de contraintes, et je vais commencer par parler de ça, qui sont les contraintes liées à l'inscription physique de la vie des robots, et qui, d'une certaine manière, tout à l'heure, je disais, ça complique les choses, mais si on la conçoit bien, ça peut aussi la faciliter. On va commencer par l'exemple de l'apprentissage de la marche bipède, qui est considérée en robotique comme un des sujets les plus complexes. Ça fait des dizaines d'années que faire marcher des humanoïdes, ça occupe des laboratoires entiers de physiciens, de mathématiciens, de mécatroniciens, et comme vous le savez tous, il y a encore relativement peu de robots qui courent partout dans les rues, à deux pattes. En fait, c'est en partie dû, peut-être, à une erreur conceptuelle de beaucoup de ces courants de recherche qui a tendu à considérer que marcher, d'une certaine manière, c'était calculé. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont jusqu'à maintenant imaginé qu'un organisme qui va bouger ses jambes et l'ensemble de son corps pour avancer à deux pattes, eh bien faisait une sorte de calcul qui lui permettait de décider à chaque instant, typiquement pour des roboticiens, chaque instant ça veut dire toutes les quelques millisecondes, voire moins que ça, quelle est la prochaine commande motrice que je dois envoyer dans chacun de mes moteurs afin, par exemple, d'optimiser la trajectoire de mon centre de gravité en termes de rectitude et puis en même temps tout en ne tombant pas. Et typiquement, la manière dont ça se passe, ces recherches-là, eh bien, c'est que ça pose des problèmes mathématiques hyper compliqués, d'essayer de construire des contrôleurs sur des robots à partir du moment où ils ont un certain nombre de degrés de liberté. Et donc, c'est typiquement des chercheurs en mathématiques ou en automatique qui sont attaqués à ces questions-là. Chercheurs en mathématiques et en automatique, ils ne construisent pas beaucoup de robots eux-mêmes. Et donc, en général, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont essayé d'abord d'obtenir des sous pour acheter des robots, et puis ensuite, ils ont acheté des robots aux gens qui en fabriquaient. Puis les gens qui en fabriquaient, en général, eux-mêmes, ne sont pas tellement des mathématiciens ou des automaticiens. Voilà. Et voilà, il y a cet endroit. Et donc, ça a donné des projets, par exemple, comme le robot de Honda, qui s'appelle P2, et qui est l'un des robots les plus connus et qui a eu été vraiment une avancée technologique quand même extraordinaire. Donc là je vais vous montrer un exemple de vidéo où le robot, vous allez voir, il va se casser la figure. Néanmoins, il y a des choses absolument extraordinaires qui ont été faites avec ce robot. Il y a des dizaines d'ingénieurs qui ont travaillé dessus pendant des années. Et ici, par exemple, on s'aperçoit qu'ils ont réussi en modélisant, on va voir qu'en modélisant totalement la dynamique physique de ce robot-là, eh bien, ils ont réussi à mathématiquement, analytiquement, générer des contrôleurs qui lui permettent de faire des choses assez impressionnantes. Alors, on va le voir au début qui commence à marcher, voilà, un petit peu. Ah, bon, on va avancer un peu plus, donc voilà, il est capable de marcher, et puis voilà, et donc il commence, il va monter l'escalier, et en général, ça marche bien. Alors, on attend un petit peu, voilà, il fait des calculs, hein, celui-là, il est en train de planifier. Il fait ce calcul de quelle va être la bonne trajectoire de marche à effectuer. Voilà. Et tout d'un coup, pof, il se casse la figure. Et donc, comme c'est fait par des Japonais, ils aiment bien faire les choses parfaitement. Et puis très vite, voilà, on va voir apparaître l'attirail. Et en fait, d'une certaine manière, ils ont honte et ils ont assez tort parce qu'il y a vraiment un travail, là on rigole, mais il y a vraiment un travail extraordinaire des ingénieurs qui a été fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail d'arriver à faire un robot de cette taille-là, de ce poids-là, qui déjà arrive à marcher sur le plat avec cette allure-là. Néanmoins, pourquoi il tombe ici le robot? En fait, c'est très probablement parce qu'il y a un de ces moteurs qui a changé un petit peu ses propriétés, qui a chauffé un peu, et c'est sorti du modèle que les ingénieurs avaient calculé à l'avance. Et comme ce robot fonctionne en se basant sur des modèles analytiques de sa dynamique physique et qui fait ses calculs de trajectoire en fonction de ça, il était totalement perdu. D'ailleurs, un truc qui n'est pas expliqué dans ces vidéos qu'on voit beaucoup dans les JT, c'est que le robot humanoïde de Honda, il ne monte pas n'importe quel type d'escalier. Il ne monte que les escaliers qui ont été préparés à l'avance parce qu'ils ont des coefficients de friction qui correspondent au modèle. Donc ça, évidemment, c'est un peu difficile à expliquer aux JT. Mais néanmoins, c'est la réalité. Donc, c'est pas très robuste, en fait. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde le monde animal, on voit des choses assez, assez quand même troublantes. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici la vidéo d'un crabe qui marche, qui a un certain nombre de pattes. Et alors, on le met sur un tapis roulant sur lequel on met un certain nombre d'obstacles. Et le tapis roulant, on va le faire rouler à une vitesse très importante qui est telle que on sait que le crabe, il n'aura pas le temps de faire des mouvements qui passent par son cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, on sait en neurosciences que le signal électrique dans les neurones, il a une certaine vitesse de propagation. Et en gros, on sait que le caillou qui va arriver, d'ailleurs que vous allez avoir du mal à voir parce que ça va vraiment très vite, eh ben, il va à une telle vitesse qu'il n'y a absolument pas le temps que soit ses yeux, soit ses pattes le touchent, envoient un signal au cerveau et réenvoient une commande pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il n'y a pas le temps. Voilà. Bah, le crabe, tranquille. Hein, il marche et les cailloux, les obstacles, ça n'a pas l'air de lui poser énormément de problèmes. Alors juste après, on va voir, juste après cette vidéo-là, à la fin, il y a un autre animal, parce qu'il n'y a pas que les crabes qui sont capables de faire ça, ça c'est un cafard. Et alors, on lui a mis une série d'obstacles, comme ça, un peu au hasard, et les obstacles, ils font en termes de hauteur, si on se mettait nous en tant qu'humain, entre ça et puis ça. Voilà, c'est des gros obstacles là, par rapport à sa taille. Ben, le cafard, il va tout droit, il avance et... Probablement qu'il fait assez peu de résolution d'équations différentielles en temps réel, pour planifier la trajectoire optimale, pour traverser le truc à pleine vitesse sans tomber. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que probablement, ben, il n'y a pas que dans le cerveau qui se passe des choses importantes pour arriver à générer un programme moteur qui va permettre à l'organisme de s'adapter aux surprises, aux irrégularités de l'environnement. Le corps lui-même a des propriétés d'élasticité en particulier, on a vu le crabe rebondir. Ça, sa stratégie. Il rebondit, le crabe, il fait comme ça. Puis, en fait, une bonne manière de rebondir, eh bien, on passe tous les obstacles. Le corps, la morphologie elle-même, d'une certaine manière, remplace les calculs dont on pensait que c'était eux qui géraient la marche. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes ont imaginé un terme qui s'appelle le « morphological computation », le calcul morphologique, et ont essayé de se poser la question à quel point est-ce qu'on peut le transférer avec des robots. Et il y a un gars qui est assez génial, qui s'appelle Tad McGeer, qui vient de l'aéronautique, et dans les années 90, il s'est intéressé à cette idée-là, et il s'est dit, mais est-ce qu'on, finalement, on pourrait pas essayer de faire marcher un robot bipède en utilisant ces principes-là? Et pour le montrer, eh bien, il a construit ce robot-là, qui n'est en fait pas vraiment un robot. C'est un objet totalement mécanique. Non seulement il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de cerveau, mais il n'y a même pas d'alimentation électrique. Donc il n'y a pas de source d'énergie dans ce robot-là. Par contre, il a une forme un peu spéciale. Et alors, on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui arrive à ce robot-là. Voilà, donc là, on le montre, il nous le montre, etc. Voilà. Voilà. Ça arrive, vous allez voir. Voilà. On le met comme ça, on lui donne une petite pichenette, il est sur une table. Et ça marche bien. Et en fait, on s'est aperçu qu'il suffisait que la table ait un tout petit angle en descente, et continue comme ça, ad vitam aeternam. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que si on regarde le détail de sa trajectoire, elle n'est pas périodique. C'est très instable localement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas deux pas qui vont être exactement les mêmes. Par contre, le cycle lui-même est stable, et il va avancer comme ça pendant... c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, et sa démarche, comme vous le voyez, elle est extrêmement naturelle. Donc, finalement, apprendre à marcher, eh ben, c'est peut-être un problème différent que d'apprendre à trouver tous les détails de tous les contrôleurs qui vont se résoudre des équations différentielles compliquées. Peut-être qu'apprendre à marcher, c'est quelque chose d'un peu plus simple qui consiste à apprendre à régler comment perturber de la bonne manière ce système dynamique constitué par le corps et par sa physique elle-même, pour apprendre à aller à droite, à aller à gauche, à résister à des perturbations extérieures. Donc plus récemment, par exemple, dans l'équipe, on a développé plusieurs robots qui utilisent un peu ce principe-là. Et par exemple, on s'est intéressé... Alors, Tad McGeer s'était intéressé à la structure des pattes, et nous, on s'est intéressé à la structure de la colonne vertébrale. La plupart des robots humanoïdes dans le monde, soit ils n'ont pas de haut du corps, ou soit à la place du haut du corps, ils ont une grosse boîte. C'est pratique, ça permet de mettre l'ordinateur et la batterie. Mais il se trouve que, en fait, chez les humains, d'abord, on n'a pas de grosse boîte, et dans la marche, les degrés de liberté du tronc semblent très importants. Et donc on a commencé à essayer de construire des modèles robotiques en reproduisant certains degrés de liberté qui sont importants chez chez l'humain. Et par exemple, on en est arrivé à ce robot qui résiste relativement bien à des perturbations extérieures qu'il a aucun moyen de percevoir. Il n'a même pas de caméra, en fait, ce robot. Et pourtant, il n'a aucun modèle dynamique de sa propre... Enfin, il n'a aucun modèle analytique de sa propre dynamique. À l'intérieur de ce robot, il y a vraiment des programmes très simples, des boucles très simples d'asservissement entre des forces senties à certains endroits et puis des forces qu'on envoie au moteur à d'autres endroits. Un autre robot plus récent qu'on a développé, qui est un petit peu dans la même ligne, il s'appelle le robot Poppy. Vous allez voir, c'est un robot qui est un petit peu plus, dont le design est un petit peu plus fini. On s'intéresse ici, on reprend la forme de la colonne vertébrale, mais on s'intéresse ici à un design de jambes un petit peu plus sophistiqué. La plupart des robots humanoïdes, ils ont des jambes droites. Les humains n'ont pas de jambes droites, ils ont des fémurs avec des angles particuliers. Et en fait, on s'est aperçu que ces angles-là, ils sont extrêmement utiles pour minimiser un certain nombre de contraintes énergétiques et d'équilibre. Et on est en train d'expérimenter comment ces formes de jambes agissent. Et par ailleurs, comment est-ce que la distribution des poids le long de tout le corps permet de faciliter la marche? Et il se trouve que cette distribution des poids, pour bien la contrôler, il faut des matériaux qui soient à la fois très solides et très légers. Et on est obligé d'utiliser des structures qui sont bien connues dans beaucoup de domaines mécaniques, en treillis. Mais pour construire des prototypes de robots comme ça, c'était très compliqué avant l'arrivée des imprimantes 3D, que maintenant on utilise assez souvent pour construire ce genre de robot. Donc ce robot, pour ceux que ça intéresse, on est en train de préparer sa distribution en open source, open hardware, avec l'objectif qu'il devienne une plateforme qui soit utilisable par le monde académique, par le monde étudiant. Toute personne qui aura une imprimante 3D pourra en reproduire l'architecture. Alors, je vais parler du deuxième sujet. Je sais que j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais c'est pas grave, je vais être rapide. Une deuxième famille de contraintes qui sont très importantes pour guider l'apprentissage et le développement des robots, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage actif, les motivations intrinsèques. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, je disais tout à l'heure, quelque chose qui va être très intéressant pour un robot, c'est d'apprendre à prédire et à modéliser les conséquences de ces actions qui sont ici appelées pi, qui sont des programmes moteurs, qui sont paramétrés par des programmes θ dans des contextes qu'on va appeler S. Et donc ça va être par exemple dans le cas des robots qu'on a vus précédemment, on a un corps, on a des primitives motrices qui le font bouger, qui lui font osciller les jambes, et puis on va se poser la question de quel type de perturbation il faut lui envoyer pour qu'il aille à droite, à gauche, il avance, il garde son équilibre, etc. etc. Alors, une manière de guider la collecte de données, les expériences que le robot va faire pour collecter des données qui vont lui permettre de construire des modèles prédictifs de ce genre de fonction, qu'ensuite, avec de l'optimisation, on va pouvoir inverser pour permettre au robot d'atteindre des buts, eh bien, c'est de lui dire un petit peu de faire des expériences qui vont maximiser son gain en information. Et avoir des mécanismes d'apprentissage dans lesquels on choisit ces expériences pour maximiser le gain en information, ça s'appelle l'apprentissage actif. En statistique, ça s'appelle aussi le design optimal d'expérience. Alors, une manière de le faire, c'est de se baser sur les erreurs en prédiction. Chaque fois qu'on est dans une situation, on fait une action, on essaie de prédire ce qui va se passer, puis on observe ce qui va se passer, on peut mesurer l'erreur, la différence entre les deux. Et à partir de cette erreur en prédiction, en fait, eh bien, on peut introduire une sorte de récompense interne abstraite qui est en fait l'opposé de la dérivée de ces erreurs en prédiction, de la dérivée temporelle au voisinage du contrôleur et de l'état dans lequel on l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que, en fait, on a créé une sorte de forme de récompense interne, telle que si à côté de ça on met un mécanisme qu'on appelle de sélection de l'action, en gros une sorte d'algorithme de planification, qui va essayer de dire au robot de faire des actions qui vont maximiser cette récompense. En gros, ça va le pousser à explorer des parties de son environnement sensorimoteur, d'explorer des actions sensorimotrices, pour lesquelles son modèle fait le plus de progrès. Et ça, en fait, en pratique, ça a un effet de bord, un effet collatéral, c'est que ça va l'amener à explorer des activités qui sont ni trop faciles, ni trop difficiles, mais un niveau intermédiaire de complexité qui est juste un petit peu plus compliqué que ce qu'il connaît, maîtrise à ce moment-là, à ce moment donné. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce que ça modélise des mécanismes qui sont verbalement décrits depuis les années 50, en psychologie. Vous savez qu'on est tous curieux, et en particulier les enfants et les plus jeunes ont une propension à explorer spontanément leur environnement. On l'a vu tout à l'heure avec la vidéo montrée par Jean-Christophe, où les bébés, voilà, on leur met des objets autour d'eux, et ils vont commencer à les jouer, à les lancer, à les mordre, à faire tout ce que vous voulez. Et ce qui est absolument sûr, c'est qu'ils ne font pas ça parce qu'ils se disent « Eh bien, je devrais m'avancer dans mon apprentissage sensorimoteur parce que bientôt je vais rentrer à l'école, il va falloir que j'apprenne ci et ça, je vais avoir des bonnes notes. » Non, non. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que il y a quelques exceptions avec des cerveaux bizarres qui se retrouvent dans certaines grandes écoles plus tard. Mais la plupart des enfants, non. Ils jouent pour le pur plaisir de jouer. Bon, je pense, en fait, la plupart d'entre vous jouez aussi pour le pur plaisir de jouer. Et les psychologues développement sont aperçus que les enfants, mais aussi les adultes, quand on fait des activités pour le pur plaisir de les faire, ben, il y a certains circuits cérébraux spécifiques qui déclenchent du plaisir quand on pratique des activités qui sont juste au-dessus, en termes de difficulté, de challenge, de ce qu'on maîtrise déjà. Des activités qui sont ni trop faciles, ni trop difficiles, des activités pour lesquelles on pense que si on met un petit peu d'effort, on va arriver à la résoudre, mais pour l'instant, on ne sait pas la résoudre. Et donc, l'idée, c'est de faire ça dans les robots. On va les pousser à faire ce genre d'activité. Malheureusement, comme ça, ça a l'air facile, mais cette fonction-là dont je parlais, la dérivée de l'erreur en prédiction, c'est une fonction qui est compliquée. C'est une fonction qui n'est pas stationnaire, temporellement, spatialement. Et donc, il va falloir essayer de l'évaluer empiriquement, de telle manière à ce qu'elle devienne utilisable par le robot pour guider son exploration. Et donc, beaucoup des algorithmes qui ont été développés dans les années précédentes ont visé à essayer de construire des méthodes d'évaluation de cette dérivée qui soient assez robustes. Donc, par exemple, une architecture qui est souvent utilisée, c'est qu'on a ici ce flot sensorimoteur qui correspond à ce que Jean-Christophe montrait tout à l'heure. Et puis, on a un premier niveau d'apprentissage où le robot, étant donné les actions qu'il fait à des moments donnés, puisqu'il observe un petit peu juste après les avoir faites, bah, il va essayer de les modéliser avec, par exemple, des réseaux de neurones, des machines à support de vecteurs, ce qu'on appelle les processus gaussiens, etc., etc. Et puis, par-dessus ça, il va avoir une méta-machine d'apprentissage qui va apprendre progressivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à modéliser ce qui se passe dans cette machine d'apprentissage plus classique, et qui va être capable à un moment donné de dire, ben, je pense que si tu fais telle action, il y a de grandes chances que tu fasses tel pourcentage de progrès en apprentissage. En gros, il va essayer de prédire le gain en information qu'une action va donner avant de la faire. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, c'est des stats qui sont derrière. Et à partir de là, ça va donner donc cette mesure de progrès en apprentissage. Et ça, après, on utilise ce genre d'architecture dans des expériences, par exemple comme celle-là, où on a un robot qui va expérimenter les relations entre les mouvements de tous ses moteurs. En gros, ici, on lui donne des oscillateurs dans chaque moteur, et puis il va contrôler la période, la phase, l'amplitude. Et puis, il va essayer de voir ce que ça produit en termes de mouvement de son centre de gravité. Et puis, en fait, pour tester à quel point ces algorithmes permettent de bien explorer des grands espaces comme ça, eh bien régulièrement, on va, entre guillemets, les geler dans leur apprentissage, et puis on va les tester, on va lui dire « Utilise les connaissances que tu as acquises jusqu'à maintenant pour atteindre un ensemble uniforme de buts dans son environnement. » Et puis on va comparer différents types de méthodes. Et en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on utilise des méthodes d'exploration active, de curiosité, comme je les ai présentées, courbe rouge par exemple, eh bien on va permettre pas simplement d'apprendre beaucoup plus vite que si on explore au hasard l'espace, mais on va atteindre des niveaux de performance qui, dans l'espace d'une vie, quelle qu'en soit la longueur raisonnable, seront largement supérieurs que les performances qu'on va avoir en exploration aléatoire. À l'infini, dans un milliard d'années, ça va se rejoindre, ça va converger. Et on s'en fiche ce qui va se passer dans un milliard d'années. Alors, après, on ne s'intéresse pas simplement à l'efficacité d'apprentissage de ces méthodes. On s'est aperçu qu'en fait, quand on dotait des robots de capacités d'exploration spontanée dirigées par la curiosité, ben non simplement ils apprenaient efficacement, mais en plus leur comportement s'auto-organisait. Donc par exemple, ici, on a l'expérience du playground qui reproduit une situation un petit peu comme celle du bébé que vous montrait Jean-Christophe tout à l'heure. Et on a le robot du milieu qui est programmé pour explorer son corps, qu'il ne connaît absolument pas au départ. Son corps, pour lui, c'est une boîte noire. Il a des canaux moteurs, il peut envoyer des valeurs, c'est des nombres, Il a des canaux sensoriels, il peut lire des valeurs, mais c'est des nombres aussi. Il ne sait pas les interpréter, il n'en connaît pas la sémantique. Son but dans la vie, c'est d'essayer de se construire un modèle des relations entre ces nombres. Comment il fait ? Il fait des expériences avec son corps, et ces expériences, il va les choisir, avec le système de curiosité que je présentais avant, où il va choisir de faire des mouvements pour lesquels il pense que son modèle, ses connaissances des relations entre ces variables, va augmenter le plus vite possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe ? Si on se met du point de vue d'un observateur extérieur, on le laisse quelques heures bouger, ce robot-là, ben on va s'apercevoir que, en fait, il va faire des choses assez organisées. Au départ, il va évidemment essayer un petit peu tout, parce qu'il ne connaît pas son corps, il ne sait pas ce qui est le plus intéressant en termes de gain potentiel en apprentissage. Et puis, progressivement, il va, au lieu de bouger toutes les parties de son corps en même temps, il va, par exemple, essayer de bouger juste sa patte, sa tête dans laquelle il y a des capteurs, juste essayer de se baisser en essayant de fermer et d'ouvrir sa bouche, produire des sons, parce qu'en fait, il est capable de produire des sons. Et puis, au départ, il va le faire de manière un petit peu inorganisée, c'est-à-dire qu'il va pousser sa patte dans des endroits où il n'y a rien à pousser. Mais à un bout d'un moment, il va commencer à utiliser ses actions de manière ce qu'on appelle affordante. C'est-à-dire qu'en gros, il va utiliser certains types d'actions seulement vers certains types de parties de l'environnement que nous, on appellerait des objets en tant qu'observateur extérieur. Donc, il va commencer, par exemple, à donner des coups de patte systématiquement dans cet objet qui est à gauche. Et puis, au bout d'un moment, il va s'enlacer. Il va passer à un autre objet qui est l'objet au milieu. Il va essayer de l'attraper avec sa bouche, de le faire bouger aussi. Et puis, à bout d'un moment, il va arrêter. Et il va se mettre à vocaliser en regardant cet autre robot qui a été préprogrammé pour imiter les vocalisations de ce premier robot quand celui-là vocalise et en même temps le regarde. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? On observe automatiquement la formation d'étapes développementales, d'étapes qualitativement différentes de comportement, de complexité croissante, sans qu'à aucun moment l'ingénieur qui a designé ce robot n'ait dit au robot « apprends à pousser les objets, apprends à attraper les objets avec ta bouche, apprends à vocaliser, et sans non plus, évidemment, que cet ingénieur préprogramme ses étapes les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il se trouve que cette structuration en étapes de développement caractérise le développement de l'enfant humain. Jusqu'à maintenant, on n'était pas capable de l'expliquer autrement que de manière ad hoc. C'est-à-dire qu'en fait, on comprenait le développement de l'enfant humain comme un ensemble de mécanismes d'horloge interne un petit peu préprogrammés qui déclenchaient tel ou tel type de comportement à un moment donné. Et en fait, ici, on montre qu'il existe certains mécanismes relativement génériques qui vont faire totalement s'auto-organiser ce type de trajectoire développementale. Et non seulement s'auto-organiser des trajectoires de type développemental, mais on va s'apercevoir qu'ici, avec exactement le même mécanisme générique, et bien le robot d'abord il apprend à interagir avec des objets physiques, et puis il termine en explorant systématiquement les interactions vocales avec un autre robot. Et là, je reviens au premier slide que je vous ai présenté. C'est très intéressant. Parce qu'ici, on a trouvé un mécanisme générique qui n'a rien à voir avec le langage et qui néanmoins amène l'apprenant, l'organisme, à s'intéresser par lui-même, sans qu'on lui ait demandé, à interagir vocalement, systématiquement avec ses pairs. Donc ça nous a ouvert un certain nombre de perspectives intéressantes. Et ça, c'est un travail qui nous a permis de faire des retours relativement importants en sciences humaines et du vivant. Alors, dernier slide, je conclurai après. Je vous montrerai une petite vidéo d'une expérience qui intègre un certain nombre d'idées qui viennent à la fois des talking heads, dont Jean-Christophe a parlé tout à l'heure, et puis de cette expérience du playground, qui est une expérience qu'on a mis au point pour une exposition à la Fondation Cartier l'année dernière, qui s'appelait Mathématiques, un dépaysement soudain, et qui est un travail qu'on a fait en collaboration avec un mathématicien qui s'appelle Michael Gromov, qui est pas très loin d'ici, à l'IHES, et puis une mise en scène qu'on a fait en collaboration avec le cinéaste David Lynch. Vous allez vite reconnaître un univers particulier. Et donc ici, on va voir qu'on a des robots qui sont installés dans une sorte de grand œuf. Et ces robots, en fait, ils vont explorer leur environnement. Ils vont avoir plusieurs types d'activités d'apprentissage. D'abord, ils vont jouer à des jeux de langage, comme les a présentés tout à l'heure Jean-Christophe. Ils vont essayer de trouver des mots et se mettre d'accord sur quels mots utiliser pour parler d'objets dans l'environnement. Ils vont aussi utiliser des mots pour se mettre d'accord sur comment appeler des nouveaux mouvements. Et ces mouvements, ils ne font pas tous partie d'un répertoire préprogrammé. mais ils vont être appris en particulier en interagissant avec les humains. En fait, on voit ici une main passer, et ils sont capables de percevoir cette main au travers d'une caméra 3D, et ils vont essayer d'apprendre à reproduire ces mouvements avec leur tête, et ces mouvements vont rentrer dans leur répertoire moteur. Ils vont essayer ensemble ensuite de discuter ensemble et de négocier des manières d'appeler de manière synchronisée ces mouvements. Et puis enfin, ces robots, ben, ils ont un système de curiosité artificielle, puis ils vont essayer de jouer avec cet objet dont je vous laisse libre cours. Il a été fait par David Lynch. Et apprendre comment certains types de ces mouvements eh bien, peuvent affecter des objets qui se trouvent dans l'environnement. Cette expérience, elle est intéressante pour nous parce que c'est un des premiers pas vers des expériences véritablement lifelong, c'est-à-dire en gros de durée étendue, qui vont être nécessaires méthodologiquement, expérimentalement, pour véritablement étudier plus avant ces mécanismes d'apprentissage lifelong. Jusqu'à maintenant, on avait des problèmes tout simplement pratiques, on n'avait pas véritablement de robots qui permettaient de faire des expériences où on les laissait apprendre tout seul pendant des heures et des heures, parce que ça posait des problèmes de sécurité, tant pour les robots que pour les humains, que pour les bâtiments qui les abritent. Et on commence aujourd'hui à avoir un certain nombre d'outils, de briques de Lego qui permettent de faire ces expériences. Voilà, je m'arrêterai ici, merci. Bonsoir à tous. J'ai laissé parler les deux bavards en premier, donc comme je dois parler une demi-heure et qu'on a à peu près une demi-heure de retard, je vais raccourcir pas mal. Donc de toute façon, tout ce que j'avais à dire était dans la ligne droite de ce qui a été dit avant, donc je vais raccourcir un certain nombre de slides et je vais passer directement aux éléments plus techniques. Donc je m'appelle David Filia, donc je suis professeur à l'INSTA juste à côté. Donc je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Robotique et Vision, où on fait différentes choses en robotique, de la perception, de la navigation, et une partie de cette équipe est une équipe commune avec donc, l'équipe de Pierre-Yves qui est à Bordeaux. Donc moi je suis ingénieur de l'armement à la base en fait, donc j'ai fait une thèse juste après être sorti d'ici. Ensuite j'ai bossé à la DGA quelques années où j'ai fait des choses, je travaillais sur de la robotique, mais avec des aspects de moins en moins techniques. Et donc, j'ai eu l'opportunité de revenir à l'INSTA au bout de quelques années, sur laquelle j'ai sauté. Et donc, depuis 2006, donc je suis prof à l'INSTA, succession de Jean-Christophe, qui avait créé l'équipe quelques années avant. Donc, je vais vous présenter des travaux qu'on a fait récemment sur l'apprentissage d'objets dans un cadre de robotique développementale. Donc, c'est des travaux qui ont été faits en grande partie par Natalia Lyubova, qui est ici, au fond. Donc, il est étudiante en thèse avec moi. Et donc, voilà, si vous avez des questions plus techniques, vous pourrez aller la voir après. Donc, l'idée de ces travaux, c'est de mettre en place une méthode d'apprentissage d'objets pour un robot humanoïde qui se fasse en interaction avec des humains en prenant en compte les grands principes de la robotique développementale. Donc, je vais sauter tous les premiers slides sur les grands principes de la robotique développementale. Juste pour vous donner quelques petites illustrations de ce dont Jean-Christophe Bailly a parlé tout à l'heure. Voilà, si on veut reconnaître un objet, et qu'on a un objet bien connu, dont on a une image bien nette, faire la reconnaissance d'objets dans des vidéos à très grande vitesse, avec des variations d'aspect assez forts, on est capable de le faire relativement bien maintenant, notamment avec des méthodes d'apprentissage. Enfin, là, c'est une méthode particulière qui apprend à reconnaître des points dans la deuxième image et à les mettre en correspondance avec les points de la première. Il y a plein de techniques qui permettent de faire ça, et ça marche globalement assez bien. Bon, ceci dit, quand un humain reconnaît des objets, il est capable de faire ça avec des objets beaucoup plus complexes que ça, et des objets beaucoup plus variés, notamment de reconnaître des catégories d'objets. Alors, on a aussi plein d'algorithmes qui permettent de reconnaître des catégories d'objets, et il y a énormément de laboratoires qui travaillent là-dessus, il y a plein d'applications potentielles. Vous avez des applications probablement dans vos smartphones, genre les Google Glass qui vous permettent de prendre des photos et ça vous dit ce que c'est dedans sur des catégories d'objets relativement restreintes, mais ça marche raisonnablement bien. Et Pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec ces genres de techniques-là, il y a des compétitions internationales qui sont organisées régulièrement pour pouvoir comparer les différentes approches, différents algorithmes. Et donc, il y en a une qui s'appelle le Pascal VOC Challenge, VOC pour Visual Object Categories. Donc, ça se produit chaque année. Donc là, j'ai des données assez anciennes, mais ça représente un peu... Enfin, il y a eu des améliorations depuis, mais ça reste assez représentatif de ce qu'on peut faire. Donc là, typiquement, dans cette compétition-là, cette année-là, il y avait 20 catégories d'objets à reconnaître, qui sont ici, en partie. Et on a plein d'images de chaque catégorie d'objets, et donc on doit entraîner un algorithme à reconnaître ces catégories d'objets-là. Donc voilà le genre de résultat qu'on obtient. Là, c'est les taux de reconnaissance des objets. C'est-à-dire que les meilleurs, pour les objets les plus faciles, entre guillemets, à reconnaître, les meilleures équipes en reconnaissent un petit peu moins de 50%. Et puis pour des objets plus difficiles à reconnaître, qui malheureusement sont quand même assez pratiques dans la vie courante, par exemple des chaises, on est à l'ordre de 10%, 10-15%. Voilà. D'accord ? Donc voilà typiquement ce qu'on arrive à faire. Bon, on peut faire probablement mieux, mais on n'arrive pas à 99%. Avec voilà, c'est les meilleures équipes du monde en vision, reconnaissance d'objets qui arrivent à peu près à ce niveau-là. Et si on regarde des exemples de résultats, donc vous voyez en vert des résultats qui se passent bien, donc vous voyez, on est capable de reconnaître des visages par exemple, dans des situations assez complexes, et puis il y a des erreurs, genre celle-là, bon, qui sont un peu explicables, c'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de truc bizarre, on peut imaginer voir un visage. Par contre, dans les bouteilles qui sont à côté, voir un visage, bon, c'est plus bizarre, et on sent bien du coup qu'il n'y a pas une compréhension, avec des grands guillemets, de ce qu'il y a derrière un visage, quoi. C'est-à-dire, reconnaître un visage là-dedans, c'est quand même une erreur vraiment grossière et on sent bien qu'il y a un souci derrière. Pareil pour les vélos, on est capable de reconnaître des vélos dans des situations relativement difficiles, avec des occlusions, avec des occlusions assez violentes, des situations vraiment très différentes. Et puis, pareil, voilà, sur les deux bouteilles, on reconnaît aussi un vélo, ce qui est là aussi assez, assez choquant. Tout ça pour dire quoi ? C'est que ce genre de méthode, ça a des performances quand même relativement limitées par rapport à l'homme. Sachant que dans les tâches qu'on se donne là, c'est vraiment des tâches compliquées. On prend des images qui viennent de n'importe où, des objets dans des situations extrêmement complexes. On a des catégories qui sont définies par les humains, c'est-à-dire qu'ajouter une nouvelle catégorie aux 20 catégories, eh ben, ça va demander énormément de travail, réentraîner tous les algorithmes, et surtout refaire une base de données avec les nouvelles images et les nouveaux objets labellisés. Et toutes les performances de ça se basent énormément sur la qualité des bases de données. Typiquement, pour faire une base de données comme ça, il y a 20 000 images dans la base de données, il y a 50 000 objets labellisés. Et c'est tellement essentiel et tellement gros que, en général, on organise des compétitions comme ça, où il y a un labo qui se coltine la réalisation de la base de données, qui sacrifie un certain nombre de stagiaires et de thésards pour le faire, voire qui met en place des outils d'annotation par le web pour que les gens puissent aider et qu'on puisse faire ça ensemble. Parce que voilà, rien qu'avoir les données, c'est un travail complexe qui demande plusieurs personnes. Et donc du coup, voilà, on voit bien que si on veut avoir des robots qui reconnaissent des objets chez des gens, et on ne va pas demander aux gens de prendre 500 photos de l'objet qu'ils veulent reconnaître, de détourer l'objet dans la photo, et puis de lancer l'algo, etc. Et ça, une des conséquences, un des corollaires, c'est qu'on sépare complètement l'apprentissage de l'utilisation. Donc pour en revenir à la robotique développementale, une alternative, on aimerait bien que ça se passe comme fait un enfant ou comme fait un homme. C'est-à-dire qu'il voit un objet, éventuellement s'il le voit mal, il le reprend et puis il regarde derrière, il le regarde sous toutes ses coutures et puis il met à jour, il fait un modèle de l'objet et puis il est capable de le reconnaître ensuite. Donc c'est typiquement ce qu'on aimerait faire en robotique développementale, c'est-à-dire faire de l'apprentissage incrémental en ligne, donc être capable d'améliorer les modèles et d'ajouter des nouveaux objets. Faire ça en faisant à la fois de l'expérimentation, comme a montré Pierre-Yves, avec de la curiosité, choisir les objets qu'on va manipuler et observer. Faire ça avec de la supervision sociale, c'est-à-dire que voilà, typiquement quand on rencontre quelqu'un et qu'il nous montre un objet, c'est probablement un indice pour dire que c'est un objet intéressant à apprendre d'une part, et puis aussi le fait que l'objet il est dans la main de la personne, donc on sait à peu près où il est, on peut se servir de ces indices pour apprendre. Et donc c'est typiquement ce qu'on veut mettre en place dans une approche développementale. Donc, l'approche développementale qu'on utilise ici, c'est une approche assez haut niveau. Comme on vous a dit juste avant, il y a différentes approches. On peut être assez proche des neurosciences, on peut être assez proche de capacités vues dans les humains. Donc là, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'avoir une approche assez haut niveau où on se donne essentiellement des contraintes sur les données qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on ne va pas labelliser à la main des images, on va simplement avoir des images qu'on acquiert en interaction avec un utilisateur du point de vue du robot. on utilise l'interaction pour l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend avec quelqu'un en face de nous qui nous montre des objets et qui nous montre les objets à apprendre. Et puis, on va aussi faire la perception interactive, c'est-à-dire qu'on va prendre les objets, les manipuler pour améliorer notre apprentissage des objets. Et puis, du point de vue apprentissage, du coup, il faut qu'on ait un apprentissage soit en ligne, incrémental, qui ne soit pas supervisé au sens où on n'a pas une boîte englobante sur chaque objet. On a forcément une certaine forme de supervision quelque part, mais une supervision qui est sociale. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de base de données, on ne va pas travailler avec des objets prédéfinis, et puis on ne va aussi pas travailler avec des détecteurs spécialisés. Par exemple, il y a beaucoup de travaux en interaction homme-robot qui se font avec un détecteur de main, détecteur de couleur de la peau, par exemple, pour savoir où est la main de la personne qui est en face, où est son visage. Et voilà, ça ne marche qu'avec les personnes sur lesquelles ça a été entraîné. Donc ces travaux, c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle pour les Maxi, qui était en collaboration donc avec Pierre-Yves à Bordeaux, avec des collègues de l'ISIR à Jussieu, et donc avec mon labo. Donc l'idée pour notre partie, qui était sur la partie, partie perception, c'était de faire ce que je viens de vous dire, donc être capable de comprendre l'environnement qui est en face du robot en termes d'entité, d'objets, d'humains, de robots, apprendre à reconnaître ces objets, et puis apprendre tout ça en manière continue à l'interaction avec l'utilisateur. Donc ça soulève à la fois des problèmes de vision, de traitement d'image, de détection de points d'intérêt, etc. Des problèmes d'apprentissage, d'avoir des méthodes qui peuvent fonctionner incrémentalement, se mettre à jour rapidement. Et puis des problèmes de robotique développementale, savoir comment on acquiert des exemples, comment on fait l'interaction avec la personne en face. Donc ce qu'on veut faire concrètement, c'est apprendre à la fois en observant un humain qui manipule les objets en face de nous, et apprendre en manipulant les objets, en les prenant, et en typiquement en les tournant, en regardant derrière. Alors voilà, je vais présenter juste un petit peu en détail ce qu'on a fait, vous montrer une vidéo des résultats à la fin. Donc voilà, ce qu'on a fait en fait, c'est avoir un parti pris de fixer une structure dans l'algorithme global. C'est typiquement ce qu'on fait souvent en robotique développementale, c'est-à-dire qu'on essaye de savoir quelles sont les contraintes et les structures qui vont faire en sorte que l'apprentissage se passe bien. Donc là, une des contraintes, c'est qu'on a choisi de détecter ce qu'on appelle des proto-objets, ce que, a priori, les humains font aussi. C'est-à-dire qu'on est capable, avant de reconnaître des objets, de savoir ce qui peut être un objet. Donc avant d'être sûr que quelque chose est un objet, on est capable de le découper, segmenter, ou de savoir que dans cette zone-là, il y a probablement un truc qui va être un objet. Avant d'être sûr que c'est un objet, ça peut être juste une tâche, ça peut être juste un reflet, ça peut être la conjonction, une perspective bizarre qui fait que voilà, il y a deux trucs qui se passent l'un derrière l'autre, on croit que c'est un objet, et que ça n'en est pas un en pratique, mais on est capable de le détecter a priori. Donc c'est ce qu'on a mis en place, une méthode qui permet de détecter des proto-objets. Ensuite, ces objets, on va apprendre leur apparence, de manière à être capable de les reconnaître par la suite. Ensuite, un objet peut avoir plusieurs apparences. Donc si on voit un objet qui tourne, on va apprendre ces différentes apparences, et puis les mettre ensemble pour faire un modèle de l'objet. Et ensuite, dans tout ça, comme on a voulu se donner le moins d'a priori possible et travailler en interaction, on va essayer de comprendre dans tout ce qu'on a vu bouger en face de nous, qu'est-ce qui est notre main, enfin, du point de vue du robot, qu'est-ce qui est la main du robot, qu'est-ce qui est l'humain qui est en face de nous, et à quoi correspondent les objets avec lesquels on va pouvoir interagir. Donc très rapidement, la partie de segmentation au proto-objet, donc on utilise une Kinect en fait, qui est au-dessus du robot, parce que ça nous donne à la fois une image de profondeur, qui aide beaucoup pour segmenter les objets, et une image couleur. Donc concrètement, on détecte ce qui bouge dans l'image, on suit ce qui bouge dans l'image pour savoir quels sont les objets et comment ils bougent, et on utilise l'information de profondeur pour améliorer le découpage des objets, parce que quand on détecte avec une information purement visuelle, c'est relativement compliqué. Donc la profondeur aide beaucoup. Donc ce qu'on a en sortie de cette étape-là, c'est un ensemble de proto-objets, donc c'est des zones de l'image qui peuvent potentiellement correspondre à des objets ou à plusieurs objets. Typiquement, quand un humain montre un gobelet comme ça, on a un proto-objet qui est l'ensemble, la main plus le gobelet. Donc ensuite, on va apprendre l'apparence. Donc là aussi, je vais aller assez vite. L'idée, c'est que chaque proto-objet, on le caractérise par différentes informations qui vont nous permettre de le reconnaître. Donc il y a essentiellement deux choses. Il y a des points d'intérêt qui vont être liés à la texture de l'objet. Et puis quand les objets ne sont pas très texturés, on n'a pas de points d'intérêt. Et donc là, à ce moment-là, on va plutôt utiliser la couleur. Donc on code les deux informations en parallèle. Je vais passer les détails. Donc on code les informations de points d'intérêt et de couleur sur des petites zones de l'objet. Et puis comme les informations locales ne sont pas forcément suffisantes, on va coder aussi leur co-occurrence. Donc le fait qu'un point de ce type-là apparaît à côté d'un point de ce type-là, ce qui va permettre d'améliorer la caractérisation des objets et de mieux les reconnaître. Et tout ça, ça va nous permettre de coder l'information de la vue qui est là-haut. Donc on va coder des histogrammes, en gros, on revient à coder un vecteur qui code l'histogramme d'apparence des paires de points d'intérêt ou des paires de couleurs. Et ces histogrammes, c'est un encodage extrêmement compact de l'apparence de ces objets-là. Et ça a plein de bonnes propriétés, c'est-à-dire que derrière, on peut mettre des algorithmes de reconnaissance qui nous permettent de comparer très rapidement un nouvel objet qu'on ne connaît pas avec tous les objets qu'on connaît déjà. Enfin, voilà. Il y a plein d'algorithmes derrière qui sont bien adaptés à cette structure pour faire de l'apprentissage et de la reconnaissance rapide. Donc là, on a caractérisé une vue d'un objet, et puis quand l'objet bouge ou tourne, ben on va apprendre les différentes vues. Donc ça peut se faire de deux manières. Donc soit on voit l'objet bouger sous nos yeux, donc à ce moment-là, on est capable de le suivre visuellement, donc on sait que les différentes vues qui apparaissent, ben c'est le même objet, donc on les agglomère dans un modèle d'objet avec les différentes vues. Soit c'est un objet qu'on a vu, qui a disparu et qui est revenu, à ce moment-là, ben on ne peut pas le faire par suivi, et donc on reconnaît l'objet grâce à l'encodage que je vous ai montré juste avant. Si là, ce qu'on voit, ça correspond à un objet qu'on a déjà vu, ben on sait qu'on revoit cet objet et on recommence à mettre à jour cet objet. Donc ce qu'on a en sortie, du coup, c'est pour chaque objet qu'on a pu voir, donc les mains du robot, les mains de la personne qui est en face et les objets, on a une liste de toutes les apparences possibles de ces objets. Donc ça, jusqu'à présent, on a des modèles d'objets, on est capable du coup de les reconnaître si les objets reviennent. Et par contre, on a fait ça de manière purement passive. C'est-à-dire que là, on a juste observé la scène et regardé ce qui se passait et fait des modèles de ce qu'on voit souvent ensemble, concrètement. Donc, comment on fait de la robotique développementale ? Donc, il y a un aspect développemental, mais il y a aussi un aspect robotique. Donc, on a un robot qu'on voudrait bien utiliser. Et typiquement, on va vouloir agir pour améliorer la reconnaissance. Alors, il y a énormément de théories, même des théories anciennes, qui explique que la perception, finalement, ce n'est pas du tout un processus statique, c'est vraiment un processus dynamique, et que pour percevoir, il faut agir. Il y a plein d'expériences rigolotes sur la manière dont on perçoit les objets, suivant qu'on peut les contrôler, pas les contrôler, etc. Enfin, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais tout ça, c'est des théories qui sont finalement très intégrées, et on n'a pas forcément de manière de les implémenter vraiment dans un robot directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des capacités utiliser l'action pour améliorer la perception de manière un peu plus simplifiée que ces théories sensorimotrices, même si c'est une espèce de but final de la robotique développementale. Donc là, on va utiliser différents aspects de l'action pour apprendre les objets. Alors, une chose qu'on pourrait faire, c'est utiliser les actions pour apprendre des propriétés physiques, par exemple apprendre le poids, apprendre le fait que les objets font du bruit, etc. Bon, là, on ne va pas le faire. Par contre, on va utiliser ça pour améliorer la segmentation, c'est-à-dire que si on a un objet qui est posé sur une table, on ne sait pas forcément où commence et où finit l'objet, par exemple si on a deux objets l'un sur l'autre, et donc si on prend l'objet et qu'on le manipule, ben, on peut savoir que voilà, là c'est deux objets différents et ce n'est pas un seul objet. Donc la manipulation peut aider à segmenter les objets, et on va aussi utiliser la manipulation pour compléter nos modèles d'objets, c'est-à-dire que si j'ai vu cet objet-là, eh ben, je peux le tourner pour regarder ce qu'il y a derrière et savoir avoir une vue plus complète de l'objet. Donc pour faire tout ça, par rapport à ce que j'ai montré avant, une première chose à faire, c'est être capable de reconnaître dans tout ce qu'on a vu, où sont les objets en fait. Et notamment, ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est l'objet et ce qui est ma main. C'est-à-dire que quand je prends l'objet ici, là, ce que je vais pouvoir segmenter, c'est l'objet plus ma main. Et donc, quand je veux mettre à jour mon modèle d'objet, il faut que je sois capable de soustraire ma main vue d'assez haut. Donc pour ça, on a une méthode de catégorisation. Alors, qui utilise des mesures en fait, de corrélation entre les ordres moteurs qu'on envoie dans les moteurs du robot et ce qui se passe dans l'image. Donc, c'est des méthodes qu'on appelle des méthodes des mesures d'information mutuelle qui sont super bien parce que ça permet de mesurer des distances entre des espaces qui sont complètement différents. Et donc là, ce qu'on mesure, en fait, c'est des corrélations entre les ordres moteurs qu'on envoie dans tous les moteurs des bras du robot et des positions dans l'image. Et donc, bon, il y a une petite logique qui est derrière, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est toujours corrélé aux ordres moteurs, ben, forcément, c'est des parties du robot. Ce qui bouge beaucoup et ce qui n'est pas corrélé aux ordres moteurs, c'est typiquement l'humain en face, avec sa main, qui bouge et qui fait des choses. Et puis, ce qui bouge très peu et qui bouge essentiellement quand il est connecté à une partie de robot ou quand il est connecté à une partie d'humain, ben, c'est typiquement les objets qu'on prend, qu'on manipule, et puis quand on les repose, ils ne bougent plus. Voilà, et donc on arrive à trois catégories, soit c'est un morceau de robot, soit c'est un morceau d'humain, soit c'est un objet, et puis si on est en train de manipuler un objet, bah, ça peut être des catégories où on a reconnu un morceau de robot plus l'objet, ou un morceau d'humain plus l'objet. Donc vous voyez typiquement ce qu'on arrive à avoir comme catégorie, là c'est un exemple de différentes vues qu'on a enregistrées pour un même objet, là pour un truc qu'on a reconnu comme un humain, et là comme un truc qu'on a reconnu comme étant une partie du robot. Et donc ensuite, une fois qu'on a reconnu les parties du robot et les parties de l'humain, quand on reconnaît des objets et qu'on a une méthode pour détecter qu'il y a plusieurs éléments dans ce proto-objet, on peut soustraire la partie robot et apprendre l'objet. Typiquement, là, ce que vous voyez dans ces deux images, tous les traits rouges, là, c'est des paires de points qui ont été reconnus comme faisant partie du robot. Vous voyez, c'est un peu bruité, mais en gros, on arrive quand même à extraire globalement l'objet. Et une fois qu'on a extrait ça, la partie, les éléments marqués en bleu, on va pouvoir les utiliser pour mettre à jour le modèle d'objet. Hop. Donc, une vidéo du système en action. Si elle veut bien démarrer. Donc là, ce que vous voulez voir dans l'image, c'est la vidéo en train d'être traitée. Donc vous allez voir un carré autour du proto-objet. En haut, vous avez deux numéros, en fait. Comme c'est complètement non supervisé, il n'y a pas de nom particulier associé à l'objet. Le premier numéro, c'est le numéro de l'objet. Et le deuxième numéro, c'est le numéro de la vue. Et en jaune, à côté, vous avez la catégorie qui est affichée. Donc là, on est purement en train d'observer. Donc on n'a aucune information de catégorie. Donc la catégorie, c'est inconnu en permanence. Là, vous voyez la partie segmentation de proto-objet. Donc la détection de mouvement, les points qui servent à faire le tracking, l'image de profondeur de la Kinect, les contours de l'image de profondeur, et puis les objets segmentés au final. C'est en gros les parties qui bougent, mais découpées beaucoup plus proprement que ce qu'on peut faire par vision pure, parce qu'on utilise la profondeur de la Kinect. Là, c'est l'encodage visuel qui est fait. Donc vous voyez en haut les points d'intérêt surf, donc vous voyez que c'est quand même pas mal bruité. Les paires ensuite de points d'intérêt. Les superpixels, donc c'est un découpage de l'image qu'on fait de manière à enregistrer les couleurs. Et les paires et les triplés de superpixels, ça nous permet de savoir que sur cet objet, il y a une partie rouge à côté d'une partie bleue, à côté d'une partie jaune, et de reconnaître l'objet. Donc tout ça, en fait, quand on voit les objets bouger, ça permet de reconnaître des objets et de faire des modèles des objets. Donc là, il y a juste 5 objets. Donc vous avez pu voir que pour chaque objet, on avait, chaque objet physique, on avait plusieurs modèles d'objets, en fait. D'accord ? Vous avez vu plusieurs lignes, je vais y revenir après. Donc ensuite, là, on va s'intéresser à catégoriser. Donc là, on utilise des informations mutuelles entre la position de la main du robot et les informations. Donc vous voyez que là, c'est reconnu comme la robot right, donc la main droite du robot. Et là, c'est reconnu comme humain. Alors après, c'est basé sur des corrélations. Donc si on s'amuse à imiter le robot, il peut arriver qu'il y ait des confusions. Alors après, sur le long terme, il y a toujours un moment où l'humain en face, il va en avoir marre et le robot va pouvoir bouger sans que l'humain limite. Donc on va finir par faire la différence. Comme c'est basé sur les corrélations, à la base, on peut le tromper. Et une fois qu'on a ça, voilà, on est capable de reconnaître du coup que dans cet objet-là, il y a à la fois une partie du robot et un objet. Alors l'objet, du coup, quand on le manipule, ben, on sait lequel c'est. On suppose qu'il n'y a pas de magie et que l'objet ne change pas pendant qu'on le porte. Donc du coup, on peut savoir quel modèle d'objet on met à jour et puis mettre à jour nos modèles. Pareil quand l'humain manipule l'objet. Ce n'est pas encore fait, mais c'est typiquement possible. Donc là, ce que je voulais vous montrer, voilà. En observant simplement, là, on avait vu la pieuvre, ensuite la pieuvre a disparu, puis on l'avait vu réapparaître d'un autre côté. Donc on avait deux objets différents, en fait, on n'avait pas de moyen de savoir que c'était le même. Et du coup, en le manipulant, on a vu la pieuvre apparaître d'un côté, on l'a prise, on l'a tournée, on a vu que le deuxième côté était le même objet. Et du coup, ça permet de fusionner les objets. Ça fait pareil pour l'ours. Donc là, on prend l'objet, on détecte qu'on est en train de le porter, et puis quand on le lâche, ben, du coup, on détecte que l'objet est tout seul. Et tout ça, ça permet de mettre à jour et d'avoir, au lieu de trois modèles séparés, d'avoir un seul modèle beaucoup plus complet du même objet. Voilà. Vous avez vu que j'ai pas mal réduit. J'ai laissé à peine de temps pour les questions, quand même. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter un aspect un peu plus technique voilà, de ce qu'on peut faire en robotique développementale sur la partie perception. Donc juste sur cette partie-là, voilà, ce qu'on est capable de faire, c'est de faire de l'apprentissage incrémental, non supervisé d'objets, en interaction avec un humain. Et surtout, les parties les plus pénibles, c'est sans avoir d'a priori sur ce qu'est l'humain et ce qu'est le robot, être capable de mettre à jour des objets quand on est en train de les manipuler et améliorer les modèles. Donc améliorer les modèles par manipulation. Voilà. D'un point de vue technique, bon, on est encore loin d'être très rapide pour faire tous ces traitements en ligne, mais bon, ça, c'est à peu près utilisable en interaction réelle avec un robot. Après, il y a quand même des problèmes techniques, c'est-à-dire qu'on est limité en nombre d'objets, la complexité du système augmente en fonction du nombre d'objets, forcément, mais elle augmente un peu trop vite pour qu'on puisse utiliser des centaines d'objets. Donc en gros, voilà, on doit pouvoir manipuler entre 10 et 20 objets à peu près raisonnablement, enfin apprendre entre 10 et 20 objets raisonnablement. Donc voilà, c'est un état actuel de ce qu'on est en train de faire, et c'est typiquement le genre de recherche qui se couple après avec beaucoup de choses dont on vous a parlé avant. Typiquement les talking heads pour apprendre des objets, apprendre des mots associés à ces objets. On a parlé très rapidement, mais apprendre des affordances, c'est-à-dire que l'humain est capable de reconnaître des objets par les actions qu'il peut faire sur ces objets, même s'il ne connaît pas ces objets, même s'il ne reconnaît pas forcément l'objet. Parce que voilà, il est capable de reconnaître les objets sur lesquels il peut s'asseoir, les objets qu'il peut attraper, les objets avec lesquels il peut taper. Voilà. Et typiquement, c'est des choses qu'on peut faire avec ça, avec ce genre de système, parce qu'en plus de l'apprentissage purement perceptuel, on est aussi capable de manipuler, d'apprendre les effets des actions. Et puis voilà, bon, ce que vous voyez, ce que je vous ai présenté, c'est un premier modèle. Donc la segmentation d'objets est assez basique, c'est capable de segmenter que les objets qui sont assez proches du robot avec la profondeur. Donc typiquement, l'humain est capable de faire beaucoup mieux que ça. Mais ce qu'on peut imaginer faire, c'est à partir de cette segmentation d'objets qui se fait facilement de près parce qu'on a la Kinect qui nous dit où est le bord de l'objet, on peut très bien apprendre à quoi ressemble l'objet, à quoi ressemble d'une manière générale un objet quand il s'éloigne, quand il est plus loin. Et puis si on prend un objet, qu'on le pose là et puis qu'on s'éloigne, on peut savoir qu'il y a cet objet, donc on peut avoir l'idée de à quoi ressemble cet objet quand on le voit de loin. Et du coup, on peut faire des modèles de découverte de proto-objets beaucoup plus génériques que ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc pour conclure et donner une philosophie un peu générale à la robotique développementale, je pense que c'est un peu ça l'idée, quoi, d'être capable de trouver quelles sont les bonnes contraintes, par quoi on commence, dans quel ordre on fait les choses, de manière à pouvoir espérer aller loin, même si, à l'heure actuelle, on fait des choses relativement simples. Typiquement, reconnaître 10 objets en faisant une bonne base de données, en faisant ça proprement, ça marche très bien et largement aussi bien que ce qu'on est capable de faire. Et sur le slide de remerciement, juste une petite vidéo du robot qu'on vient d'acheter, qui est Alensta, donc juste à côté, qu'on a depuis pas longtemps, donc on n'a pas eu le temps de beaucoup travailler avec, mais qui est typiquement un robot sur lequel on implémente beaucoup de ces aspects-là, à la fois de la curiosité, de l'apprentissage, le contrôle moteur, l'apprentissage d'objets, de la manipulation, etc. Donc voilà, là c'est juste une petite démo, tout est pré-codé, hein, c'est-à-dire qu'on a enregistré les trajectoires et on les rejoue. C'était plus pour tester la précision du robot et ce que le robot est capable de faire. Donc vous voyez que si les Legos sont assez gros, on arrive à peu près à les empiler. C'est un robot qui a la particularité d'être contrôlé en force, donc ce qui permet notamment de ne pas blesser les gens quand on est à côté d'eux, contrairement à des robots industriels qui sont beaucoup plus puissants. Le désavantage de contrôler en force, c'est qu'on n'est pas très précis. Donc, voilà, merci pour votre attention. Si vous voulez voir tout ça, c'est juste à côté, n'hésitez pas à faire le déplacement. Sur la conclusion et insister vraiment sur la particularité de ce que vous avez vu là. Ce ne sont pas vraiment des approches traditionnelles d'ingénieurs où vous allez résoudre un problème bien particulier en le modélisant et en faisant tout ce qui est possible à partir de l'utilisation de l'OM. C'est vraiment quelque chose qui part des approches génériques. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est moins performant que ce qu'un ingénieur pourrait faire sur un point bien déterminé, ça c'est clair. Mais la promesse, c'est qu'à terme, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais absolument rien, mais au bout d'un certain temps, on égalera et on surpassera, peut-être en qualité, mais aussi en palette, les problèmes qu'on pourra traiter. Et sans, idéalement, sans avoir d'efforts supplémentaires à faire, et c'est en base d'une approche où on programme les robots, à une approche où on va apprendre au robot. Voilà. Je pense que ça, c'est important de entendre et voir des choses qui sont l'obteneur en robotique. Il faut bien comprendre quel est le fond qui anime les gens qui travaillent sur ces sujets. Voilà. Question ? Oui, bonsoir. J'ai une question qui finalement est assez humaine. C'est-à-dire, je la formulerai comme ça en tant qu'humain, le rôle de l'inné versus l'acquis. Alors maintenant, puisqu'on est entre ingénieurs tout de même, ça veut dire tout simplement que dans l'inné, on pourrait mettre des éléments architecturaux de type senseur, actuateur. Bon, là, il n'y a rien de très, très complexe. Et par contre, ce qui est sous-jacent et qui va, structurer les processus d'apprentissage, c'est l'architecture corticale, si je peux m'exprimer ainsi. Et éventuellement, le type d'algorithme, quitte à ce qu'il soit générique, que vous allez faire tourner sur cette architecture-là. J'irai même plus loin, est-ce qu'elle ne va pas se modifier en cours de route, cette architecture ? Donc j'aimerais avoir quelques remarques sur le sujet. Il y a une première remarque à faire, c'est que en fait, les sciences du développement, pas du tout simplement la robotique développementale, mais les sciences du développement en général, que ce soit les neurosciences développementales, la psychologie développementale, convergent de plus en plus sur l'idée que la notion d'inné et la notion d'acquis ne sont pas véritablement des notions claires, voire même que c'est probablement des concepts qu'il faut éviter pour essayer de comprendre le vivant, dans le sens où... ce qui est vraiment important, c'est les processus de développement, les processus de changement eux-mêmes. Pour comprendre, par exemple, la difficulté de ce que ça veut dire inné, je vais revenir, par exemple, sur les exemples de robots marcheurs passifs, dynamiques, que je montrais. En général, en biologie, par exemple, quand on utilise le mot inné, il réfère quand même assez directement à une sorte de préspécification à l'intérieur de l'organisme, et très souvent c'est dans l'organisation des gènes, pour générer une structure particulière. Dans le cas par exemple du robot qui a marché tout seul, ou par exemple de celui après, je vous ai pas expliqué, mais en fait le robot Acroban que je vous montrerai après, quand on le prend, on lui prend les bras, spontanément, il va nous suivre. On peut le guider par la main. Il n'y a pas une ligne de code dans ce robot qui lui dit de nous suivre par la main. En fait, c'est quelque chose qu'on a découvert de manière fortuite en allant montrer ce robot dans un lieu public. Les enfants ont commencé à le prendre par la main et puis il a suivi. Donc moi, c'est pas moi qui a programmé le robot, mais c'est un collègue qui s'appelle Olivier Lee. Je lui dis, t'as mis une ligne de code pour faire ça? Non. Et alors, c'est inné ou pas la capacité du robot à suivre quelqu'un quand on le prend par la main? C'est inné ou pas cette capacité qu'a le robot à marcher dans le cas du robot de Tadmagir? C'est assez difficile à dire. Cette structure, elle émerge de manière presque inévitable à partir de l'interaction entre certaines propriétés du corps et son environnement. Mais cette structure, elle est spécifiée nulle part à l'avance. Est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'elle est acquise? D'une certaine manière, elle est ici le résultat presque inévitable de l'interaction entre le robot et la gravité, par exemple. Mais ça veut dire qu'elle est le résultat de l'interaction entre le robot et son environnement. Si je change d'environnement physique, je fais des lois de physique différentes, le robot il va avoir un comportement différent dans son évolution. Et en général, comment on appelle les comportements qui dépendent de la relation entre un organisme et son environnement? On appelle ça acquis. Mais en même temps, ici, ça semble difficile de dire que c'est acquis. Donc voilà, donc ça c'est un exemple où le mot acquis, le mot inné, probablement il est difficile à définir. Et en fait, probablement que ce genre d'exemple s'applique de manière beaucoup plus générale à toutes les structures qui peuvent se former, qu'elles soient comportementales, cérébrales, cognitives. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on commence plus à réfléchir en termes de ce qu'on appelle effectivement ces contraintes développementales, qui vont être des structures qui sont à l'intérieur de l'organisme, à l'extérieur de l'organisme, et qui vont interagir. Et en tant que système complexe, eh bien, elles vont elles-mêmes générer des structures nouvelles, parfois facilement prédictibles, parfois moins facilement prédictibles. Mais on va pas forcément les décrire en termes de c'était quoi qui était inné, c'était quoi qui est acquis. Par contre, il y a effectivement des choses qui sont importantes à avoir en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de structure qui émerge à partir de rien. Ça, c'est juste pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de structures qui ne se forment pas à partir de plans spécifiques détaillés de ces structures. Beaucoup d'entre elles se forment, par exemple, par auto-organisation. On voit les cristaux de glace se forment quand on met des molécules d'eau dans certaines conditions de température et de pression. Dans ce cas-là, les mots innés acquis, c'est difficile de les utiliser. Et pourtant, cette formation automatique de structure, ce qui se passe pour la formation des flocons, des cristaux de glace, la formation des dunes, la formation des galaxies, c'est des processus qui sont aussi à l'œuvre de manière fondamentale dans la construction du corps et des structures cognitives qui vont régir son interaction avec l'environnement. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui est important, c'est la notion de processus développementaux, je pense. compléter très vite. Genre un autre exemple qui est, enfin, c'est exactement ce que tu as dit en fait, mais on peut imaginer dans un système dynamique avoir des attracteurs. Donc ce que vous allez, le problème, c'est qu'il peut y avoir une distance assez importante entre ce qui va implicitement donner naissance à cet attracteur, qui vont être les paramètres du système dynamique, que vous pouvez difficilement observer, et que vous pourriez éventuellement qualifier d'innés, c'est-à-dire qui ont été sélectionnés par l'évolution, et qui font que ce système dynamique en particulier va avoir certains modes stables qui vont... Mais c'est ces modes stables que vous observez. C'est ceux-là, et eux ne sont pas innés. Donc il y a une distance entre ce qui donne naissance à ce que vous pouvez observer et ce qui est réellement préexistant, qui peut éventuellement être qualifié d'inné, mais que vous ne pouvez pas observer. Et c'est ça le problème. Voilà, une autre façon de voir les choses aussi, c'est de dire que tout ça, c'est un long process qui peut se percevoir en commençant dans l'évolution. Et donc, si vous regardez l'histoire d'un organisme, non pas dans sa vie, entre sa naissance et sa mort, mais vous prolongez sur toute l'histoire de l'évolution, là, pareil, la distinction entre inné et naquis, elle est compliquée parce que c'est un processus qu'il faut peut-être penser de manière intégrée et complète, dans lequel la naissance est un événement, mais qui s'inscrit dans la durée. Enfin, voilà, il y a un avant, un après, et puis tout est important pour expliquer ce qui se passe. Donc, voilà. Ceci dit, on peut aussi imaginer et on apprend des choses sur des circuits qui apparemment sont spécialisés dans le cerveau. Je suis pas expert de ça, mais on peut imaginer qu'il y a des circuits qui se spécialisent dans la détection de visage. Je sais que c'est très polémique, ce genre de choses, mais ça pourrait se justifier d'un point de vue évolutionniste. C'est très utile, très pratique. Bon, voilà. Donc, on peut s'autoriser peut-être à mettre des détecteurs de visage à la main dans le système. C'est pas forcément impossible non plus. Mais en général, en robotique développementale, on n'aime pas trop et on aime bien que les choses émergent. Donc on se force à avoir le moins de biais, donc de biais ou d'inné, tout ça c'est pareil, dans le système. Moi, je voulais avoir quelques détails sur Poppy, la version que vous nous avez présentée. Je voulais savoir à quel point il avait conscience de lui-même et à quel point il avait juste des senseurs qui lui permettaient de... Enfin, un peu plus de détails sur comment la plateforme fonctionne. En fait. Donc, à la première question, en fait, j'allais dire rapidement aucune. Mais en fait, cette réponse, elle n'a aucun sens. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir conscience de soi-même. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire. C'est un mot qu'on utilise pour parler d'un certain nombre de processus cognitifs et pour avoir une coordination sociale entre scientifiques et entre scientifiques et le grand public. Mais ça désigne des processus qu'on est très loin de comprendre. Alors savoir si un robot peut avoir ou pas une conscience, ou en a une, c'est une question qui aujourd'hui n'a pas de sens, dans le sens où le mot conscience n'est, par exemple, on vient au jeu des talking heads dont on parlait tout à l'heure, c'est pas un mot qui est associé à un sens qui est partagé par l'ensemble de ses utilisateurs. La deuxième question, c'était conscience finalement de, enfin, qu'il ait un certain nombre de moteurs, où ils sont, s'ils sont liés à des senseurs, etc. C'est surtout ça. Non, aujourd'hui, Poppy, c'est vraiment une plateforme hardware. Voilà, comme n'importe quel robot, et il y a un certain nombre d'API qui permettent d'accéder au moteur et d'accéder aux senseurs, voilà, enfin, je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est C'est quand on le voit marcher comme ça et réussir justement à tenir debout, etc. À quel point c'est programmé ou à quel point c'est lui-même qui se stabilise en gérant ses propres senseurs, etc. C'est surtout ça qui est ma question. Alors, ça rejoint la question précédente. C'est-à-dire qu'effectivement, dedans, il y a un certain nombre de programmes qui vont asservir certains de ces mouvements à la perception de certaines choses. Mais ces programmes ne déterminent pas entièrement le mouvement. Par exemple, ces moteurs, ils ont une certaine souplesse, comme le robot que présentait David à la fin, le robot Mecha. C'est-à-dire qu'il y a d'une part une commande motrice qui est envoyée au moteur, mais la position, la vitesse et l'accélération réelle du moteur, elle dépend aussi des forces extérieures qui lui sont impliquées. Et donc c'est la même chose dans le cas de Poppy. Ces mouvements en détail, eh bien, ils sont en partie le résultat des forces extérieures qui s'appliquent sur lui. Ils ne sont pas entièrement calculés. Donc c'est une interaction entre des choses qui sont programmées et puis la structure qui se forme spontanément entre l'interaction entre les commandes qui sont envoyées et puis le corps et puis la gravité. Oui, bonjour. Je me posais des questions par rapport à l'émergence de l'apprentissage dans le cadre de la curiosité. Je me demandais quelle visibilité on avait par rapport à ça, par rapport à ce que le robot essaie d'apprendre, par rapport à ce qu'il a réussi à apprendre dans le cadre de ses apprentissages. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il a réussi à apprendre ? C'est quelle visibilité on a par rapport à ce qu'il a réussi à apprendre ? Quelle visibilité, quelle compréhension ? C'est-à-dire, une fois qu'on a mis le mécanisme d'apprentissage en place, ouais. Qu'on regarde ce que fait le robot... À quel point on arrive à prédire ce qu'il va faire ? Voilà. Ce qu'il va faire dépend de l'interaction dynamique entre son algorithme d'apprentissage de bas niveau, son système de curiosité, les propriétés de son corps et les propriétés de son environnement. Donc en simulation, quand on connaît tout à l'avance... et que la simulation est simple, on peut à peu près savoir ce qu'il va faire. Dans le monde réel, en général, c'est plus compliqué. Parce que les problèmes qu'il a à résoudre et qu'il a à apprendre vraiment dépendent de cette interaction physique entre son corps et l'environnement. Et il va véritablement, par exemple, choisir de d'abord explorer des activités pour lesquelles lui évalue qu'il fait beaucoup de progrès en apprentissage. Et ça dépend à la fois de ses propriétés physiques et des algorithmes d'inférence statistique qu'on a mis dedans, qui vont avoir certains biais. Tout algorithme d'inférence statistique a des biais, mais ils sont tous différents. Et selon les biais qu'on va mettre dedans, pour un algorithme donné, un problème physique particulier va être facile ou difficile. Et en général, c'est pas si facile que ça de le prédire à l'avance. Donc en fait, à partir du moment où on le met dans des espaces compliqués, c'est pas si facile que ça de prédire ce qui va se passer. Et inversement, a posteriori, est-ce que c'est facile de voir ce que le robot a essayé de faire ? Est-ce qu'il a... Oui, ça c'est plus facile. A posteriori, c'est plus facile d'analyser parce qu'on enregistre tout ce qui se passe dans son cerveau. On peut le retracer, on peut faire plein de visualisations. Et effectivement, après coup, on arrive à comprendre quand même relativement bien ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, je trouvais particulièrement intéressant ce que vous faites... au niveau de l'apprentissage pour orienter la rue de l'apprentissage. Et je voudrais savoir si ce type de choses serait applicable à la vision. C'est-à-dire que vous, la dimension de l'espace est faite en fait par vous-même lorsque vous choisissez vos descripteurs, des champs de gradient, des histogrammes de couleurs, tout ça, pour que ça soit quelque chose de digérable après pour votre classifier. Et je voudrais savoir s'il serait possible d'envisager des choses où le... où l'intelligence elle-même choisissait ces critères-là pour l'apprentissage. Il y a plein de réponses possibles. On a déjà fait des choses où on mélange la curiosité et l'apprentissage, mais c'est beaucoup plus haut niveau. Typiquement, c'est des choses où on a un robot qui doit apprendre des objets, et puis le robot va choisir lui-même quel objet il va manipuler parmi tous les objets possibles. Et ce qu'on observe très naturellement, finalement, c'est que les objets simples, dès qu'il les apprend très rapidement, donc il ne s'y intéresse plus, et puis il s'intéresse plus longtemps aux objets plus compliqués. Donc, mais ça, c'est très haut niveau, effectivement. Après, ce qu'on fait, c'est vraiment sur un aspect plus comportemental, donc ce n'est pas forcément évident de faire ça au niveau du pixel. Il y a des choses qui... sur lesquels on commence à travailler, où on essaie de découvrir des structures dans les données. Typiquement, on peut appliquer pour découvrir des mots dans des phrases, pour découvrir des objets dans des images, et des choses. Voilà, et essayer de corréler les deux, même d'utiliser le fait que y a un objet qui apparaît, on prononce son nom, et inversement, quand il y a un objet qui est devant nous, y a peut-être des chances que quelqu'un prononce son nom. Et donc, utiliser ces corrélations aussi pour aider à guider, extraire. Donc voilà, avoir des indices qui nous permettent de choisir un peu dans la masse de données, ce qui est intéressant. Mais c'est plutôt en termes de masse de données que vraiment de dimension des représentations sous-jacentes. Sinon, il y a des choses qui sont très à la mode en ce moment, dont Jean-Christophe a à peine parlé, c'est les méthodes de deep learning, par exemple, qui sont des méthodes où on prend énormément de données, on a un réseau c'est des réseaux de neurones en général, qui ont plein de couches et énormément de paramètres, on a des méthodes d'apprentissage qui sont assez récentes et assez subtiles, qui permettent de faire mouliner tout ça et de faire en sorte que le réseau de neurones apprenne ce qui est intéressant et quelles sont les redondances dans le signal qui sont pertinentes. Et donc l'effet, au final, c'est qu'en donnant plein de données, en fournissant plein d'exemples à ces réseaux, on finit par en sortir des caractéristiques pertinentes qui vont permettre de représenter proprement tout ce signal avec beaucoup, beaucoup moins de dimensions. Et ce que dit Jean-Christophe, c'est que les dernières versions de Google Translate utilisent ce genre de choses et que ça a permis de gagner d'avoir des gains importants. Pareil pour la reconnaissance d'objets. Voilà. Après, tout ça, c'est quand même appliqué dans un cadre très restreint et très ingénieur, quoi. Typiquement, j'étais dans un jury de thèse il n'y a pas très longtemps d'une personne qui avait appliqué le deep learning pour faire de la reconnaissance de pièces. Et voilà, dans le deep learning, il y a 10-15 paramètres. Il y a des paramètres, si on les change de 1%, ça ne marche absolument plus, quoi. Donc bon, alors peut-être que voilà, c'était particulier à son problème ou au code qu'il avait utilisé, je ne sais pas. Enfin, il y a peut-être, on peut toujours penser à des problèmes informatiques, mais même dans la méthode d'apprentissage, quand même, on peut faire des choses vraiment intéressantes qui ressemblent à ce que fait le cerveau, sélectionner des points pertinents, réduire les dimensions, avoir des représentations compactes, etc., etc. Mais ça vient avec un coût derrière, ça vient avec un coût d'ingénieur, et c'est pas voilà, la personne chez qui on va aller qui va être capable de régler ça. Donc il faut qu'on ait des méthodes plus génériques que ça, finalement, pour avoir des choses qui marchent bien. Et du coup, ces méthodes très précises, on s'empêche pas du tout de les utiliser, enfin très... très ingénieur, finalement, on ne s'empêche pas du tout de les utiliser, mais nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est plutôt où les mettre, comment les mettre dans l'architecture, comment on va leur fournir les données pour faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit stable et que ça permette de faire des apprentissages continus à long terme. Un complément aussi à ce que tu dis, il y a aussi des techniques comme Slow Feature Analysis qui essaient de prendre un signal quelconque et de le fitter avec une fonction sous contrainte de minimiser la dérivée. Et en clair, ça veut dire qu'on essaie d'extraire une composante du signal qui varie le plus lentement possible, avec l'idée que c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Dans mon flux visuel, quand je bouge ma tête, on va dire au niveau des pixels, enfin des impulsions électriques, ça varie quand même énormément, il y a très peu de stabilité. En revanche, en prenant le signal et en le transformant à travers une fonction bien choisie, on peut identifier des corrélations qui sont relativement stables dans le temps et ça va correspondre justement à des objets ou à des choses intéressantes potentiellement. Voilà. C'est une autre façon aussi de regarder ces problèmes-là et ça rentre dans la grande catégorie de ce qu'on appelle unsupervised learning où on essaie d'apprendre des choses sans que personne nous explique ce qu'il faut apprendre. Et ce que fait bien le deep learning quand il le fait, c'est aussi de proposer une structuration hiérarchique, c'est-à-dire de structurer le signal. Parfois, les corrélations, elles ne sont pas disponibles, on va dire, au plus bas niveau, mais elles apparaissent à des niveaux d'abstraction plus élevés. Tout ça, c'est encore très très jeune, hein. Mais avec l'augmentation de la puissance des ordinateurs, on commence à pouvoir explorer des zones qui n'étaient pas pensables il y a encore 5 ou 10 ans. Donc ça avance assez vite. D'autres questions? Oui, une question rapide, un petit peu technique. Dans des algorithmiques de type machine learning, souvent, enfin, j'ai peut-être deux trains de retard, mais peu importe, souvent on présuppose que la base d'apprentissage, un volume de base d'apprentissage préexiste, on mouline une palanquée d'algorithmes, régression, somme des erreurs et autres, et on arrive à optimiser des poids d'un réseau, par exemple. Hein, par exemple. Bien, je suppose que dans le cas d'un robot, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des modes d'apprentissage incrémentaux, au risque, à ce moment-là, de perdre la mémoire, en quelque sorte, perdre la mémoire de ce qui a été appris précédemment. Est-ce que je me trompe totalement ou... Oui, non, vous avez complètement raison, évidemment. Donc, en fait, il y a beaucoup d'algorithmes. La question de savoir si on fait ce qu'on a. Donc, quand on apprend sur une grosse base de données, on appelle ça du batch learning en anglais. La question de savoir si on fait du batch learning ou du incrémental, elle est à la fois un peu mal posée, quoi, parce que même l'humain, typiquement, par exemple, probablement ce qu'on fait dans les rêves le soir, enfin la nuit, c'est ressasser plein de choses qu'on a vues dans la journée et puis les retraiter. Et on peut voir ça comme du batch learning. Après, c'est clair que voilà, quand on montre un objet à quelqu'un, il l'apprend, et puis 3 secondes après, on peut lui redemander, il a appris. On n'a pas besoin d'attendre la nuit pour qu'il reconnaisse l'objet le lendemain matin, quoi, contrairement à un robot. Donc, bon, faut, voilà, faut, faut tempérer, c'est pas forcément très tranché ces aspects-là. Mais sinon, oui, évidemment, ce qu'on fait, enfin ce que j'ai montré dans l'apprentissage d'objets, c'est des méthodes purement incrémentales, où dès les premières choses, les informations stockées sont vides, et on construit incrémentalement tous les points d'intérêt. Quand on voit un point d'intérêt qu'on n'a jamais vu, on le rajoute. Quand on voit une vue qu'on n'a jamais vue, on la rajoute, etc. Donc voilà, le coût à payer là-dessus, c'est l'un ou l'autre. Ce que vous avez dit, c'est qu'on risque d'apprendre des choses, c'est-à-dire que si on a une quantité de mémoire limitée, il y a un moment où pour rajouter des choses, il faut effacer des choses plus anciennes. L'autre extrême, c'est que on n'oublie rien, et à ce moment-là, plus ça va, plus ça devient compliqué, long et lent, et donc on est freiné. C'est typiquement, dans ce qu'on fait jusqu'à présent, on n'oublie rien. Enfin, on filtre pas mal de données, mais on n'oublie rien. Et donc, plus on montre d'objets au robot, plus c'est lent pour reconnaître des objets. Donc, on est limité, ce que j'ai dit, à quelques dizaines d'objets. Voilà. Après, encore une fois, dans la robotique développementale, ce qui est un point important, c'est la structure, la dynamique qu'on met à l'apprentissage. Et donc, c'est évident qu'on va avoir des parties d'apprentissage incrémental, des parties de consolidation qui vont prendre la sortie de l'apprentissage incrémental pour en faire un apprentissage plus batch et beaucoup plus compact, du coup, parce que forcément, quand on a toutes les données, on est toujours meilleur que si on a les données une par une et qu'on s'interdit de les retraiter. Donc voilà, il y a vraiment une question d'architecture derrière, en plus de la question de l'algorithme en particulier qui est utilisé. D'autres questions ? Moi, j'en aurais une, ce serait pour savoir à quel point l'apprentissage était stable, c'est-à-dire si vous prenez un robot dans une situation donnée, est-ce qu'il y a un autre robot ou le même réinitialisé va faire exactement la même suite d'actions, et à quel moment ça diffère, au bout de combien d'itérations En fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a une question théorique, puis il y a une question pratique déjà. En pratique, c'est pas possible de faire ce que vous proposez, c'est qu'on on peut jamais remettre un robot exactement dans la même situation. L'environnement physique change en permanence. Mais si par exemple il a une position et il fait une certaine série d'actions et vous le réinitialisez à distance sans le bouger. En fait, au niveau par exemple, s'il faut regarder les capteurs, prenez une caméra, vous regardez les valeurs des pixels qui sont mesurés par la caméra, vous changez rien en face. Ils vont beaucoup varier en fait. Donc, en fait, ça n'existe pas des capteurs tels que dans un environnement comme le nôtre. Donc, c'est jamais exactement la même situation. Et après, on peut se poser la question avec des situations relativement similaires, est-ce qu'ils vont y avoir des évolutions relativement similaires ou pas ? Alors, en fait, par exemple, dans l'expérience du playground que je montrais tout à l'heure, c'est oui en moyenne, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, les algorithmes d'apprentissage et de curiosité, ils ont une partie stochastique. C'est-à-dire qu'en interne, ils vont générer des hypothèses de manière pseudo-aléatoire, et après ils vont les sélectionner en fonction de ce qu'ils observent dans le monde réel. Et ce degré de stochasticité va faire que peut-être par hasard ils vont découvrir certains types de structures avant d'autres, et ça va les amener à s'intéresser à tel type d'activité avant une autre, et à le préférer. Et en s'intéressant d'abord à cette activité, ça va leur faire découvrir une troisième, qu'ils vont trouver intéressant, et ils vont la suivre. Et ils vont potentiellement parfois avoir une trajectoire développementale qui peut être très différente d'une expérience à l'autre. Maintenant, si on fait des statistiques, on va s'apercevoir qu'il y a certaines structures qui apparaissent dans un ordre dans, par exemple, 70% des cas. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si on regarde le développement des enfants humains, il y a aussi à la fois beaucoup de régularité et beaucoup de diversité. Il y a énormément d'étapes développementales qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants. Après, si on regarde dans le détail, il n'y a pas deux enfants qui ont exactement le même développement. Et puis, il existe des enfants qui ont des trajectoires développementales très très différentes des autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, dans des modèles comme celui présent dans l'expérience du playground, on a cette dualité entre universalité et diversité avec le même mécanisme, avec le même environnement. Et ça peut être intéressant pour suggérer des hypothèses sur la variabilité développementale qu'on observe dans le vivant. Donc ça donne déjà, je pense, une réponse. Merci d'être venu. Je suggère de remercier à nouveau les intervenants.